de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guémezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je reçois Gilou. Bonjour, comment ça va? Bonjour Laura, ça va bien, merci. Je te remercie de m'inviter encore une fois dans ton émission Autour de vous. Merci pour ton accueil. Oui, c'est vrai que je t'ai déjà interviewé pour un direct, je crois. Oui, c'était un direct, c'était au mois de mai, l'année dernière. Je fais un petit coucou aux auditeurs, aux auditrices qui sont à l'écoute, voilà. Puis à Lambert du grand show aussi, qui est venu dans nos studios dernièrement. Quand ah tu as oui, participé, oui, j'avais vu ça, ouais, effectivement. Dernière, pour le prochain grand show, hein, c'est qui aura lieu le 3 juin. À Mircourt, espace Flambeau, hein, je connais par cœur. Non mais c'est cool, c'est un beau tremplin. Alors une fois par mois, je propose aux auditeurs de faire le portrait d'un animateur bénévole de la radio. Ça leur permet de découvrir la personne qui se cache derrière le micro, parce que contrairement à ce que certains pensent, on ne fait pas que parler derrière un micro, une émission ça se prépare. Donc Gilou, tu es l'un des plus connus, si ce n'est le plus connu des animateurs de RGM. Ton émission Les Années Bonheur est écoutée jusqu'au Québec. Et oui, c'est vrai que bah, écoute, ça fait quand même 7 ans. 7 ans que j'officie sur Radio Guémezo, quoi. C'est vrai qu'il y a... Et puis oui, Les Années Bonheur, c'est une émission... Ça me correspond, cette émission, parce que voilà, les années bonheur, ben, c'est toutes les années de, les années tendresse. Ça, c'était aussi dans le titre, ça, dans, que j'ai piqué à Patrick Sébastien. Je le dis toujours. Oui, voilà, c'est vrai. Et puis bon, il y a l'écoute. Et puis c'est aussi avec les réseaux sociaux, forcément. On a une belle petite page. J'ai bougé à l'officiel. Et j'en profite pour remercier d'ailleurs mes amis du Québec. Hein. Tu parlais du Québec, donc voilà, on travaille avec Lynn. On fait du télétravail, puisqu'on ne s'est jamais vu, on se connaît quand même. Donc voilà, et oui, c'est vrai que... Bon, bah, voilà, j'ai reçu aussi des artistes de Belgique, de Suisse, d'Allemagne. Donc effectivement, on a un peu d'écoute aussi, voilà, sur ces pays européens, puis bien sûr au Québec. Alors ce portrait sera différent de ceux que j'ai proposé à nos auditeurs puisque nous allons le faire en musique. Mais pourquoi, me direz-vous? Parce que Gilou vit et respire musique. Et oui, c'est vrai. Alors, je suis tombé dedans, hein, étant tout petit, comme beaucoup de personnes sûrement. Et je dis souvent comme Obélix dans la marmite. Mais c'est vrai que ça me fait penser, bien sûr, à ma famille, mes parents qui tenaient un café donc à Saint-Amé. Et bien sûr, le café à l'époque, voilà, c'était fin des années 60, début 70, c'est le jukebox, c'est le scopitone, c'est l'ancêtre des clips vidéo. Et bien sûr, étant tout petit, bon, bah, je me promenais dans la salle, voilà, puis la petite pièce pour mettre dans le jukebox, c'est pas moi qui la mettais, c'était souvent les clients qui me connaissaient, ils voyaient le petit bonhomme dans le café, c'était moi. Et puis voilà, donc... Voilà, la petite pièce, et puis les premières écoutes voilà, dans le café, et puis bien sûr même après, en dehors, avec la famille, bien sûr, avec les parents. Et voilà, oui, donc, et puis ça m'a toujours suivi, voilà, la preuve, je suis ici, j'anime cette émission, voilà, c'est toujours... Et puis j'ai bien sûr, j'ai fait aussi de l'animation avec un ami, Jean-Marie, ça c'était dans le cadre, enfin je veux dire, on a travaillé au centre hospitalier, et il y avait une amicale, enfin il y a toujours une amicale au centre hospitalier de Remiremont. Et on animait avec Jean-Marie les soirées couscous, les soirées carnaval. Puis petit à petit, le monde venait, c'était sympa. Et puis après, on s'est fait un petit nom aussi. Les gens nous demandaient pour animer des mariages, des anniversaires, des départs en retraite, des associations. Et on a écumé les salles de rue Mirmont et des alentours pendant 10 ans. Voilà, tu vois. Et puis après, il y a eu un petit creux. Voilà, c'est un petit creux de la vague, comme on a tous des fois. Un changement aussi au niveau de la vie de famille et tout. Donc voilà, il y a un petit passage où... Mais ça, oui, effectivement, ça m'a suivi. Et puis ça m'aide beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup. Voilà un petit peu pour résumer. Alors, nous allons apprendre à te connaître via toutes les chansons que tu as choisies. On a tous une chanson qui nous rappelle un moment de notre vie, comme tu le disais il y a quelques instants. Donc, tu vas nous raconter ton histoire après cette première pause musicale que tu as choisie, à savoir les Beatles. Et on se retrouvera juste après sur le 107. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why? Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Gilou, avec cette petite chanson intemporelle, comme on disait hors antenne, à savoir Yesterday des Beatles. Waouh, quel superbe accent anglais aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Belle chanson. Alors, ça, tu vois, ça me fait flashback, retour en arrière. Je dirais 1962, 63, je sais plus exactement. Mais bon, voilà, c'est les premières écoutes musicales. Je suis chez ma grand-mère. J'ai mon petit poste radio. Et voilà, premières écoutes, et puis voilà, les Beatles, quoi. C'est un groupe, voilà, que c'est ma première découverte. Voilà, je suis jeune. Voilà, quoi. Le flashback, tu vois, ça rappelle toujours des souvenirs. C'est vrai que il y a beaucoup de chansons comme ça qui nous rappellent un moment de notre vie, qui nous ont, ou des artistes qui nous ont suivis. Pour les passionnés de musique, et puis même d'autres personnes, je pense. Oui, c'est vrai. Voilà, petit retour en arrière, voilà, premiers émois. Voilà. Mais ils se sont séparés en 1970, je crois, les Beatles. Oui, 1970. Est-ce que tu as continué de les suivre individuellement ou pas après? Après, je dirais non. Non, puisqu'après, on arrive dans le début des années 70. Donc, les années yéyé, c'est terminé. Enfin bon, les Beatles, c'était pas la même chose. Mais on arrive dans les années 70. Puis alors là, il y a plein d'artistes qui arrivent quoi. Je veux dire... Claude François, Mike Brandt, un petit peu plus... Ouais, Mike Brandt, Joe Dassin, puis plein d'autres artistes. Donc, tu vois, on est pris... Enfin, moi, pour moi, personnellement, je suis pris dans un tourbillon, voilà, de ces années 70. J'en parle comme ça parce que, voilà, c'est l'année d'adolescence, alors, un petit peu plus grand. Et voilà, c'est formidable. On a plein d'artistes qui sont là avec des belles chansons. Après, il y a des chansons aussi... anglo-saxonne, hein, pas que française, mais voilà. On a beaucoup, beaucoup d'artistes. Alors, c'est vrai que là, non, je passe un petit peu les Beatles, mais ça reviendra plus tard. Ça reviendra plus tard. Donc, tu es plus artiste francophone que anglophone, finalement. Oui, mais bon, j'aime bien aussi les chansons anglophones, comme ton générique, Laura. J'aime bien, ça, c'est des années 70. Alors, il y aura Mungo Jerry, In the Summertime, il y aura des artistes, oui, Engelbert Humperdinck, des grands crooners, tu sais. Tom Jones, Elvis, on en parlera peut-être plus tard. Tu vois, tous ces artistes-là, oui, bien sûr, ouais. Voilà, donc oui, effectivement, après, il y a un moment, les Beatles, mais bon, après, ça reviendra, parce que ça reste, comme tu me disais, en aparté intemporel, ça reviendra. Et ça le sera toujours. Alors, bien sûr. Tu disais que tu écoutais les musiques via un jukebox, mais comment ça fonctionne? Il y a combien de chansons sur un jukebox? Tu mets une pièce et puis t'as tant de titres à choisir. Le jukebox, je ne pourrais plus te dire exactement combien qu'il y avait de chansons dedans, mais c'était formidable ce jukebox parce que tu mettais ta petite pièce, t'avais le bras qui allait chercher le 45 tours. Il amenait le 45 tours, puis il le posait sur la platine centrale du jukebox. Alors, on avait l'écoute. C'était super. Enfin, moi, je regardais ça avec mes yeux d'enfant, bien sûr, à l'époque. Et on avait l'écoute, et puis on avait bien sûr ce système, tu vois, du bras qui va chercher le 45 tours. On était planté devant la vitre. C'était chouette, quoi. Enfin, je ressens comme ça, toujours avec toujours d'émotions, quoi. Mais après, je sais plus. Bon, je sais pas, peut-être une cinquantaine, je vais dire même une centaine de 45 tours dedans. Ah oui. Et ce que je me souviens, chez mes parents, il y avait un gars qui passait tous les, je dirais, 2 ou 3 mois, qui venait apporter les nouveautés, en fait. Tu vois, parce que bon, comme je disais, ça, il y avait beaucoup de sorties, hein, ça, c'était encore les années 60, c'était les yéyés, donc voilà, Claude François, Enrico Macias, enfin, Richard Anthony, enfin, toi, plein, alors ça, ils sortaient des 45 tours pratiquement tous les trimestres. Donc, tu vois, ça, il y avait beaucoup de, oui, à l'époque, c'était impressionnant. D'ailleurs, on en a encore dans des caisses des 45 tours. Tu vois, quoi. Ouais, voilà, comment que c'était, puis le Scopitone, bon, bah, ça, c'est comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'était oui, l'ancêtre du clip. Et là, bon, c'était un petit peu moins. C'était en fait pour citer, je pense, si je me trompe pas, c'était Claude Lelouch qui avait filmé les premiers films avec les artistes qui servaient dans les Scopitones. Voilà. Alors, est-ce que tes parents t'ont fait découvrir des artistes ou pas? Ah oui, bien sûr. Alors, comme je disais, bon, j'écoutais dans le café, bien sûr. Mais oui, forcément, ils m'ont fait découvrir. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais je pense que donc les premières chansons que j'ai entendues aussi, après, c'était mes parents qui achetaient les 45 tours ou 33 tours. Donc, ma maman, par exemple, m'a fait découvrir Claude François, puis d'autres. Et là encore, j'étais encore tout jeuneau. Oui, non, bien sûr, ils m'ont fait découvrir. Puis, voilà, après, puis les artistes aussi. Je sais pas, Marie Laforêt. J'ai plus en tête, mais tu vois, il y en a tellement, je sais plus quoi. Oui, bien sûr. Ils étaient chansons. Je vais citer Tino Rossi parce que c'est vrai que Tino Rossi, c'était le chanteur à l'époque, Luis Mariano, les opérettes. Et que ma grand-mère écoutait beaucoup, voilà. Et puis Charles Trenet par exemple, voilà. Je te dis, je cite, mais où? Voilà. Oui, bien sûr. Je dis souvent, j'en parle dans mes émissions. Des fois, je dis, c'est vrai que nos parents nous ont donné, voilà. Alors après, c'est peut-être pas tout le monde, hein, mais c'est vrai que on a eu l'éducation des parents et puis ils nous transmettent aussi. Des valeurs, etc. Bien sûr. Et puis voilà, c'est la chanson. Je veux dire, j'ai eu des fois des gens. Les parents n'écoutaient pas du tout de musique, quoi. Ça s'est déjà arrivé. Après, c'est pas, hein, voilà, quoi. Mais c'était quelque chose de bien. Et ça a perpétué ma passion pour la chanson. Mais ça aussi, ça viendra encore un petit peu plus tard. Voilà. Alors, tu disais que tu écoutais Tino Rossi, donc tu passais pas à côté de l'inévitable petit Papa Noël. Tu y avais droit à chaque fois. Ah oui, bien sûr. Ah bah ça, oui, bien sûr. Bah, oui, chaque Noël et c'était, disons, le chanteur favori de ma grand-mère. Oui, alors le petit Papa Noël, ça c'était aussi un intemporel, voilà. J'ai toujours le single. On l'a repris en single. Et ce qui était marrant aussi, c'est que il y avait les débuts de Johnny aussi, et je me souviens quand il avait sorti Ma Jolie Sahara, ma grand-mère elle écoutait ça. Alors je ne sais pas si c'était pour me faire plaisir, parce que tu vois les deux extrêmes, Tino Rossi, Johnny Hallyday. Ah oui. Et j'ai un souvenir de ça, et apparemment elle avait l'air d'aimer cette chanson. Alors je ne sais pas si c'était les paroles, si c'était la mélodie ou j'en sais rien, tu vois, la musique. Et voilà, ça m'a fait sourire aussi ça. Oui. Et puis voilà, mes parents aussi là, ça a suivi. Et puis bon, bah tu sais, il y avait l'époque à ce moment-là, il y avait l'époque des guinguettes, ça aussi. Ça me revient comme ça. Il y a l'époque des guinguettes. Les parents allaient beaucoup aux guinguettes à l'époque. C'était l'après-midi. On disait en matinée, mais en fait c'était le dimanche après-midi, 15h. Ils s'appelaient ça en matinée à l'époque. Et voilà. Donc je me vois encore. Enfin, j'ai des fois accompagné mes parents à la guinguette. Mes parents dansaient, moi j'étais à une table, je sirotais ma petite mentalo, tu vois, puis je les regardais danser. Tu vois, donc voilà, je pouvais pas ne pas être baigné dans la musique, quoi, si tu veux. Toi, enfant, tout petit, clac, boum, ça y est, c'est parti. Bah, les grands-parents avaient la guinguette, mais vous aviez la boum, je crois. Ah oui, alors la boum, oui, bien sûr. Alors oui, ça c'était les années 70. Enfin, peut-être qu'il y en a connu plus tôt, parce que bon, tout dépend de l'âge, hein. Bon, moi j'étais ado dans les années 70. Oui, bien sûr, on a eu les boums. Alors on avait nos tepas, c'était le tourne-disque à l'époque qui était sorti, c'est connu, hein. Je pense que ceux qui écouteront ou qui se rappelleront aussi, c'était un tourne-disque donc qui marchait à pile et sur secteur. Donc on amenait ça aussi. C'était une autre façon à nous de partager la musique à l'époque. Bon, maintenant on partage la musique sur les réseaux sociaux, voilà, différentes choses. Et nous on prenait notre tourne-disque, on allait sur un banc, on avait où j'habitais là, on a des endroits sympas. Calme, tout, voilà, dans la nature. Chacun emmenait son petit, les copains, les copines, emmenaient leur petit 45 tours. Et puis, on écoutait ça, toi, on partageait notre musique comme ça à l'époque. Et puis, bien sûr, bon, tu parlais de boom, oui, bien sûr, on a fait des booms avec les copains, les copines, dans les garages, des fois, et les garages de voitures, tu sais, qui n'étaient pas occupés. Enfin, je veux dire, voilà, ça. Bon, on n'était pas 50. Mais voilà, c'est. Oui, effectivement, oui, des petits, des booms. Et puis après, bon, aussi un petit peu plus, plus importante, voilà. Tu parles des 45 tours, mais il y a aussi les 33. C'est quoi la différence entre les deux? Je sais qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre, mais. Alors les 45 tours. Alors si tu veux, bon, si on remonte un peu plus loin, il y avait les 78 tours. Alors ça, c'était bon, ça j'ai moins connu. Hein, je ne sais plus combien il y avait de titres dessus. Ça, c'était les premiers, je pense. Après le 45 tours, si tu veux, le 45 tours dans les années 60, c'était 4 titres, ce qu'on appellerait maintenant un EP. Après, c'était ben début des années 70, c'est là que ça a commencé. Si je dis pas de bêtises. Là, comme je dis, il y a eu beaucoup de chanteurs qui sortaient à 45 tours tous les trimestres. Là, puis il y en a plein. Donc là, c'était ils sont passés aux 45 tours, enfin deux titres. Voilà, une face A, face A, face B. Et puis ben tu avais le 33 tours souvent qui sortait en fin d'année. Voilà, ça réunissait les 45 tours qu'ils avaient fait dans l'année, plus d'autres chansons, voilà. Voilà, si tu veux un petit peu le vinyle, 45, 33. Comment qu'on a connu ça, tu vois? Et c'était, si je dis pas de bêtises, c'est Eddie Barclay, qui était un grand producteur, voilà, qui a ramené ça, à partir de blagues des États-Unis. Mm-hmm. C'est bien sûr, les Anglo-Saxons aussi, qui étaient un petit peu plus à l'avance que nous. Bah, Eddie Barclay qui avait lancé la carrière de Dalida avec Lucien Maurice. Exactement, oui. Et puis celui qui tenait l'Olympia, je ne sais plus son nom. En fait, ils étaient trois. Il y avait le directeur d'Europe 1 aussi. Voilà, c'est ça. Oui, c'était Lucien Maurice. Ouais. Et ils étaient en train de jouer, je crois, dans un bar avec un jeu de dés. Je ne sais plus c'était quoi. Je crois que c'était le 421, je crois. Oui, c'est possible. Oui. Bah, j'ai vu le film, en fait, sur Dalida, donc c'est pour ça que je te dis ça. Oui, je l'avais vu, oui, bien sûr, ouais. Donc, et après, ils ont dit, on va aller à l'Olympia, puis c'est là qu'ils ont découvert Dalida, ouais. Avec toute la carrière qu'on lui connaît après. Oui, bien sûr, ouais. Bah, Barclay, enfin, je pense à Michel Sardou, parce que, voilà, c'est un autre chanteur que j'aime bien aussi, Michel Sardou, tu vois, il y en a plein. C'est pareil, lui, c'est encore un des derniers grands chanteurs français. D'ailleurs, il va refaire une tournée bientôt, fin 2023. Et je pense à ça parce que ses débuts à Michel Sardou, c'est chez Barclay qu'il les fait. Puis Barclay, à un moment, il le vire, il dit « tu feras jamais rien », quoi. Parce que ça n'avait pas eu de succès et tout. Puis quand on sait, bon après, il y a eu des débuts pour tout le monde, hein, mais quand on sait après la carrière qu'il fait Michel Sardou, quoi, voilà. Là, c'est aussi un coup de cœur, Michel Sardou, voilà, c'est vraiment, avec Johnny, et puis voilà, il y en a plein. Bah, les lacs du Connemara qui passent dans les soirées encore maintenant, les soirées bien même bien arrosées en fin de soirée, je crois. Ah oui, ouais, bah, c'est sûr que... Toi, d'où, je pense qu'on en reparlera plus tard, d'où mon émission, ben voilà, les années bonheur. Quand j'ai réfléchi à cette émission, voilà, à proposer cette émission à toute l'équipe et puis aux auditeurs, aux auditrices. Donc c'est, voilà, si je voulais trouver quelque chose, ben voilà, je suis replongé dans mes années bonheur à moi et puis voilà, tous ces artistes. Et c'est ce que je présente actuellement, je reviens sur le Hit Parade 70. J'ai recommencé en début de saison l'année dernière, début septembre, après les vacances. Et j'y tiens, je vais faire ce retour, ce Hit Parade sur les années 70. Après, je verrai, peut-être je vais entamer les années 80. C'est une belle époque aussi. Voilà. Comment est-ce que tu écoutes la musique aujourd'hui? Est-ce que tu écoutes toujours avec des CD ou avec des plateformes de streaming? Ah, alors là, comment j'écoute toujours? Un petit peu de toutes les façons. Bon, c'est vrai que avec l'époque actuelle, je pense que voilà, on a tous un peu... Enfin, moi j'ai un peu de musique dans mon téléphone, dans mon smartphone. Les voitures ne sont plus équipées de CD. C'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai. Donc on a la prise USB ou on a le Bluetooth. Donc c'est vrai, voilà. J'ai une petite playlist quand je pars, quand je suis en voiture. J'ai une petite playlist, voilà, que j'écoute. Mais j'écoute aussi des CD. Et je le dis aussi souvent dans mes émissions, les vinyles sont revenus. C'est-à-dire que chaque artiste maintenant, je veux dire artiste connu, c'est pas péjoratif pour les autres, mais chaque artiste connu ou reconnu sur son, quand il a un nouvel album, c'est le CD et le vinyle. Donc alors j'écoute donc du vinyle aussi. Non, j'avais pas gardé la petite vinyle que j'avais dans les années 70, mais bon voilà, j'en ai racheté une autre et il m'arrive d'écouter voilà sur ma chaîne Hi-Fi, parce que bon, j'ai reconstitué aussi une chaîne comme on avait à peu près à l'époque, mais avec du matériel moderne, tu vois. Mais là, si tu veux, le même plaisir de, comment je veux dire, de sur la technique, tu vois, où tu peux régler les basses, les aigus, etc. Ça avait disparu par un temps. Et là, il y a des maisons de, voilà, qui refont ces amplis, ces enceintes, qui refont ça, mais bien sûr, avec aussi la technologie moderne, avec le Bluetooth, avec, où tu peux, par Wi-Fi aussi, tout ça. Mais voilà, j'ai essayé de reconstituer tout ça dans mon petit bureau chez moi, tu vois, voilà, c'est un plaisir, quoi. Alors quand je, oui, effectivement, quand j'ai, voilà, quand je suis tranquille à un moment, j'ai mon petit fauteuil, je me pose et puis j'écoute mes vinyles. Voilà. Il y en a qui sont encore des inconditionnels du vinyle juste parce qu'ils aiment bien entendre le petit bruit que ça fait quand tu mets sur la machine, le petit craquement comme ça. C'est vrai qu'on avait ce petit bruit. Alors, bon. Maintenant, c'est vrai que les platines sont beaucoup plus perfectionnées, on va dire. C'est vrai que bon, il y a une époque, oui, effectivement, tu posais ton bras, le bras de, et c'était au début, quand, si tu veux, quand le saphir prenait les premiers sillons, on va dire comme ça, des fois au début. Alors après, si le disque était un tout petit peu, s'il avait tourné beaucoup, beaucoup, beaucoup, si t'avais pas trop pris soin du vinyle, c'était pas mon cas, tu pouvais effectivement entendre les petits grincements, toi, du voilà. Du vinyle, mais c'est vrai que c'est resté aussi ça, comme tu le dis. C'est vrai que ça aussi c'est resté. J'en ai parlé aussi. C'est vrai que tout le monde se souvient de ça, le vinyle avec le petit clac. Puis après hop, ça reprenait normalement quoi. Donc alors, je te disais bon, maintenant on fait des choses un petit peu plus modernes, mais tout en restant quand même voilà. Et bon, le bras se pose beaucoup plus souplement. La platine en dessous, il y a des petites choses qui amortissent un petit peu. Enfin voilà, c'est. Mais ça fait rien. On se retrouve quand même. C'est bien, puis c'est un bel objet. Enfin, c'est un bel objet, quoi. Je veux dire, le vinyle, t'as des superbes photos. À part si le chanteur, il a une tranche de cake, mais bon. Je veux dire, non, mais ça n'engage que moi. Non, mais je veux dire, il y a des superbes photos, quoi. T'ouvres ça, je me souviens même, dans les années 70, on avait un poster même dans le, pas tous certains. On avait même un poster. T'as des belles photos. T'as le nom des auteurs-compositeurs, enfin la liste des chansons et ça, moi tu vois, j'étais observateur de ça parce que ça m'a servi des fois plus tard parce que je regardais qui composait, qui avait composé, qui avait écrit la chanson. Et quand j'allais chez le disquaire et que je regardais les nouveautés, et parfois je ne connaissais pas toujours l'artiste et puis bon je retournais le disque comme ça. Puis je voyais tiens composé par un tel. Je me dis ça doit être pas mal vu que c'était lui qui a composé pour un tel. Je me dis tiens celle-là elle doit pas être mal et je me trompais rarement. Je revenais chez moi, j'étais content parce que il y avait la plume, tu vois, il y avait la plume de l'auteur, du compositeur qui travaillait pour d'autres artistes aussi. Voilà. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis c'est un bel objet. Ouais, ça revient beaucoup. Ouais, pour aller dans des magasins, je ne citerai pas les noms puisqu'on n'a pas le droit. C'est vrai. Pour aller dans les magasins, je vois beaucoup de gens, alors des gens d'un âge certain comme moi, mais aussi des jeunes. Aussi des jeunes qui achètent des vinyles. Voilà, après bon voilà, c'est chouette, on a quelque chose. Alors nous enfin je sais pas, moi je suis assez conservateur, assez, ça devient de mon enfance, ça devient de mon éducation, enfin je veux dire on regardait toutes ces choses là quoi. Je veux dire alors maintenant peut-être que je ne fais pas de critique sur les jeunes hein. Mais je veux dire je sais pas, ils ont tout dans le téléphone mais après ils ont plus rien quoi. Enfin il y a beaucoup de téléchargements sur les réseaux, enfin sur les téléchargements, comment on dit, autorisé. Donc oui, c'est cool. Donc comme je dis, moi je le fais aussi. J'ai une petite playlist dans mon téléphone. C'est vrai que j'écoute, voilà. Mais je veux dire, c'est dommage. Et après, il y a rien quoi. Je dis, je sais pas. Je dis ça, mais c'est pas une critique. Hein. On vit une autre époque. Et je suis content. Enfin, je veux dire de partir du moment où j'ai commencé à connaître la vie. Enfin, je veux dire, voilà, tu vois, au moment. Je dis, je suis content d'avoir vécu tout ça, puis de vivre encore ce qu'on voit, puis j'espère encore longtemps. Est-ce que tu écoutes des musiques de films aussi, Gilou, ou pas? Ça m'est arrivé, oui, musique de film. Alors oui, bien sûr. Alors je vais venir là-dessus, musique de film. Alors j'ai parlé peut-être des westerns. Tu sais qu'on allait voir au cinéma, à l'époque c'était le jeudi, à 50 centimes. On avait notre, parce qu'à l'époque on n'allait pas à l'école le jeudi. Enfin une période, des années on n'allait pas à l'école le jeudi, si je dis pas de blague. Donc on allait au cinéma, l'après-midi. Et on allait voir souvent beaucoup de westerns. John Wayne, enfin tu vois tous les, après des autres, alors là ça me fait penser à des musiques d'Ennio Morricone. Il était une fois dans l'Ouest, le bon, la brute et le truand. Puis il en a fait plein, Ennio Morricone, tu vois, voilà, ça, oui, les musiques de films. Alors après, c'était, Grease, la fièvre du samedi soir. Ah, bah oui. Ouais, c'était super, tu vois, la fièvre du samedi soir avec les Bee Gees. Ils avaient fait un album pour ce film-là. Et dedans, dans cet album-là, je pense qu'il est quand même, enfin, je veux pas dire recherché parce qu'on le trouve quand même, mais il y a quatre chansons là-dedans qui sont, c'est super, quoi. Oui, tu vois, voilà, ouais, c'est les comédies musicales. Et western, comme je disais, après, je sais plus. Il y a tellement de choses. Oui, musique de film, voilà. Mais bon, c'est vrai, Ennio Morricone, ça reste parce que, voilà, c'était les, c'était nos westerns, quoi. C'était super, quoi. Il était une fois dans l'Ouest, ça, c'est quelque chose de, voilà, ouais. Et puis d'autres, tout ça, tout. Mais c'était, on allait voir beaucoup ça, quoi. Quand on était jeune, puis bon, après les films, si, je vais dire, les films, il y avait des films, tu sais, de Gérard Rouri, qui l'a fait avec Louis de Funès, Bourville, si je dis pas de blague. Et il y a quelques musiques quand tu t'écoutes La Soupe aux Choux, enfin, quand tu regardes La Soupe aux Choux avec de Funès. Il y a d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai été voir le musée, enfin, la présentation de Louis de Funès qui était à Vic-sur-Saye. C'est du côté de Nancy. Ça fait 1h30 de chez nous, quoi. Ils ont fait une petite exposition, voilà. Exposition sur Louis de Funès. Alors, on voit des photos, tout ça, c'est sympa, quoi. Voilà, tu vois, voilà, c'est beaucoup ça que, après, ben, le cinéma un petit peu moins, mais oui, voilà. Quelques musiques de films, quand même. Quelques grands noms qui sont restés, tu vois. Et puis, oui, je sais plus après. Alors, tu disais que chaque chanson a une histoire pour toi. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une autre chanson, par exemple, d'un autre événement de ta vie? Ah oui, alors, alors je vais peut-être venir sur peut-être le deuxième son que tu passeras tout à l'heure, je pense. Alors oui, c'est pareil, je reviens un petit peu à parler de ça, mais c'est vrai que j'écoutais de la musique avec mes parents, comme je disais tout à l'heure, mais bon, c'était eux à l'époque qui achetaient les vinyles. Et là, à Noël 1968 ou 69, je sais plus, je l'ai eu en cadeau encore celui-là, mais c'était mon premier 45 tours. D'un artiste que j'ai cité, Joe Dassin. Le petit pain au chocolat. Ça, c'est un souvenir, un grand souvenir. Alors, si tu veux, en soi-même, c'est pas grand chose. Je ne sais plus combien ça valait à l'époque, à 45 tours, dans ces années-là. Enfin, voilà. Bon, j'étais gâté, j'avais d'autres choses, mais je me souviens, ma maman qui m'apporte ce 45 tours-là, il me semble que c'était pas vraiment le jour de Noël, mais c'était les vacances. On est en vacances de Noël. Et c'est à ce moment-là, si tu veux, elle m'apporte là. Et voilà, c'était le tout premier, quoi. Et ça m'a resté, cette chanson-là. D'ailleurs, pour les gens qui me connaissent un petit peu, la famille, certains amis, tout ça, Gilou, c'est le petit pain au chocolat, quoi. Quelque part. C'est mon tout premier 45 tours, tu vois. Voilà, c'est un grand souvenir que j'ai au niveau musical et tout. C'est celui qui va débuter ma collection, en fait. Voilà, puis un grand coup de cœur aussi pour Joe Dassin. Parce que ça, c'était aussi Joe Dassin, c'était un coup de cœur d'ailleurs. J'avais repris une de ses chansons dernièrement dans un autre tremplin musical à Raon l'étape, quoi. Oui, voilà. Le petit pain au chocolat, ça va rester, ça me restera toujours aussi. Bon, voilà. Si, je sais pas si on peut-être écouter, si tu veux. Oui, justement, j'allais proposer qu'on se fasse une petite pause musicale. C'est vraiment celui-là, ouais. C'est le tout premier, tout premier. Ben, nous allons écouter ça, auditeurs, et on se retrouvera juste après sur le 107. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique, le soir dans sa boutique, à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Aïe, aïe, aïe, aïe. Il ne voyait pas qu'elle était belle, ne savait pas qu'elle était celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babayes. Aïe, aïe, aïe, aïe. Dans la boulangerie en fête, un soir on est marié. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Tout en blanc, qu'elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. et de leur union sont nés des tas de petits gosses, myopes comme papa. Gambadant parmi les brioches, se remplissant les poches de petits pains au chocolat. La vie est très bien faite, il suffit de si peu, d'une simple paire de lunettes pour accrocher deux êtres et pour qu'ils soient heureux. Nous sommes de retour avec Gilou sur les ondes de RGM. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107 Radio Line ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Alors Gilou, il y a un autre artiste qui a marqué ta vie, savoir Elvis Presley. Elvis Presley, oui, effectivement, oui, ça a été aussi un gros coup de cœur, Elvis Presley. Alors, pas trop dans ses débuts, tu vois, parce qu'on l'a commencé dans les années fin 50. Si je dis pas de blague, 60. Mm-hmm. C'est là où il sort ses rocks les plus, je dirais, les plus aimés, parce que je me souviens de deux, trois artistes, enfin, qui avaient dit d'Elvis dans les années 70, il partait plus sur un côté crooner. Donc moi, j'y préférais, si tu veux, cette partie plus crooner. Bah, rock aussi. Mais moins de, voilà, dans les années 50, 60, je me retrouve pas trop. Après ça, c'est mes goûts à moi, c'est mon ressenti. Mais oui, non, c'est vrai qu'on peut pas. Elvis, c'est lui qui a amené le rock. C'est qui a amené le rock. Quoi. Et je me souviens d'une phrase de, si je dis pas de bêtises, de John Lennon, donc un des Beatles, qui a dit sans Elvis, il y aurait rien. Une citation. Hein, je cite. Hein, c'est ce qu'il avait écrit sur un livre d'ailleurs que j'ai d'Elvis, parce que forcément, j'ai pas mal de choses. Bien sûr, la musique, les chansons, et voilà. Et puis les livres, et puis les vinyles, bien sûr. Je pense que si je dois avoir le plus de vinyles, c'est d'Elvis, c'est sûr. Il y a eu des rééditions. Voilà. Oui, bien sûr. Mais c'était beaucoup fin 60, en fait. Si tu veux, fin 60, début 70. Et puis bon, malheureusement, 70, après lui, voilà, 70, après il était plus trop en forme, hein. Voilà. Tu as vu le biopic, je pense aussi, toi, oui, Laura, hein. J'ai adoré. C'était pas mal. Bon, c'est vrai qu'on le voit là on le voit avec son producteur, en fait, le colonel Parker, hein, voilà. Il s'était plus axé là-dessus, mais c'est pas mal, hein. C'est vrai que c'est pas mal. Puis l'artiste, enfin, l'acteur, je veux dire, il est bien, hein. C'est pas mal, quoi. Donc voilà, oui. Et puis, je pense qu'on écoutera. J'ai choisi oui, une chanson. Maudit Blue, en fait. Bon, voilà, c'est le dernier hit d'Elvis en cette année 1977. Cette année 77, moi, je suis sous les drapeaux. À l'époque, on fait notre service militaire. 12 mois. Ce qui est normal, c'était comme ça. Après, bon, les années suivantes, quand c'était le président Chirac, pas 80, beaucoup plus tard, mais ça a été fini, l'armée, ou, à part ceux qui voulaient faire l'armée, quoi, vraiment, de métier. Mais voilà, bon, en 77, c'est obligatoire, hein, on fait 12 mois d'armée, et puis voilà, puis je me souviens, donc, dans la chambre, on était avec les copains, pareil, on écoutait le transistor, on était un tout petit peu plus moderne que celui des années 60. On écoutait avec les copains. Et là, j'apprends, donc c'était le 16 août 1977, que Elvis Presley, donc, est décédé, quoi. Et alors, je dis ça souvent aussi, c'est vrai que dans les choses comme ça, bon, c'est triste, mais dans les grands, là, c'est pas un événement, mais c'était quelque chose de terrible, quoi. Je veux dire, c'était Elvis Presley, quoi. Donc, je veux dire, dans ces moments, on sait où on est. Si je reviens beaucoup plus loin, enfin, je parle des attentats du 11 septembre, aux États-Unis, les tours jumelles, là. Mm-hmm. Je veux dire, Bah, je sais pas, après, c'est grave. Mais c'est des choses que tu sais où tu te trouves à ce moment-là. Enfin, moi, je sais où j'étais à ce moment-là. Bon, voilà. Alors, je vais pas m'égarer. Donc, Elvis, oui. Donc, voilà. Et ce qui est aussi, alors, d'ailleurs, j'ai acquis il y a pas très longtemps. Donc, là, c'est un CD, mais un beau coffret, en fait. Voilà. En fait, c'est en 1973. C'est janvier, je crois. Je sais plus. Il fait un concert retransmis par satellite. Il était le seul à le faire. Ça ne s'est plus fait après. À Honolulu, à Hawaï, dans les îles Hawaï, il fait un concert. Quoi. C'est retransmis par satellite. Et là, il y a dans tous les pays. Enfin, je ne sais plus. C'est terrible, quoi. c'est grandiose, comme toi. Alors ça, c'est pareil. C'est aussi, voilà, 73. Et je crois que, sans dire de bêtises, il a au moins égalé le nombre de spectateurs, enfin, de téléspectateurs. Que quand on a vu le premier pas de l'homme sur la Lune en 1968, je crois. C'est ouf. Ma tête. Oui, enfin, tu vois, c'est pour dire quoi, l'événement, quoi. Je veux dire, voilà, c'était terrible, quoi. Enfin, c'était terrible, c'était beau, quoi. C'était chouette, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Tu vois, ça, c'est encore un beau souvenir. C'est, voilà. Oui. Effectivement, voilà, Elvis. Et puis, bah, d'autres choses, hein. On a plein de belles chansons. Mais c'est vrai que j'ai plus aimé plus son côté, crooner à Elvis. Mais aussi rock, mais pas tout à fait comme dans les années 60. Mais après, c'était bien. Hein, c'est pas une critique, c'est mon ressenti à moi, quoi. Voilà. Mais dans le biopic sur sa vie, la dernière chanson du film, c'est la dernière prestation qu'il a fait sur scène, à savoir Unchained Melody. Mais je sais pas si c'est lui qui est le chanteur original de la chanson là ou si c'est une reprise. Alors là, je dirais que c'est. Bah, tu me poses une petite colle là quand même. J'essaie de rassembler mes souvenirs, mais je pense pas que ça soit une originale de Elvis. Unchained Melody. Je crois que ça a été repris. Enfin, ça a été fait par un autre. C'était fait par des autres chanteurs, enfin, ou un autre chanteur. Mais j'ai plus le nom là. J'ai plus le nom. Faudrait qu'on recherche. Après l'émission, c'est ce qu'on dit toujours avec Chris. Je n'ai plus le nom, mais il semble. Mais bon, Elvis la reprend formidablement bien. Et il la reprend. Je crois qu'il la chante en fin de sa carrière. Il y a une image. Enfin, j'ai aussi des DVD bien sûr, et il chante cette chanson à un moment. Il est sur scène, il chante il se met au piano. Et là, il est. C'est drôle parce qu'il est, tu vois, il a grossi, quoi. Tu vois Elvis quand il est jeune ou quand il fait son comeback en 1969 aussi. Je veux dire, il a fait plein de films. Bon, les films n'ont pas été toujours, par quelques-uns. Mais là, il arrête le cinéma, il revient. Et là, il est tout beau, il est encore jeune, il est tout beau, il est tout mince, il a la forme, et puis là, il repart sur sa carrière. Je veux dire, alors tu le vois comme ça, puis sur d'autres photos. Mais là, ça fait drôle, tu le vois assis au piano, il a la voix encore, il chante là, comme une chaîne de mélodie, mais tu vois qu'il est bouffi, tout ça, c'est dans ses derniers concerts, quoi. Mais bon, là, la voix est là encore. Il a été vraiment la chercher au fond de lui parce qu'il était vraiment pas bien à cause de ses excès, etc. Il avait beaucoup de problèmes de santé. Oui, bien sûr, ouais. Mais voilà, ça reste Elvis qu'on entend toujours. Et voilà, beaucoup sont imprégnés de lui, enfin, de sa gestuelle aussi, de ses chansons. Enfin, voilà, je sais pas si c'était des artistes. Alors, si, il y a une petite anecdote encore pour livrer. Les potes Johnny Hallyday, Dick Rivers, Eddie Mitchell. Bon, ça, c'est le parallèle. Pareil, début des années yéyé, puis après, voilà, ils font chacun leur carrière. Mais le seul à avoir vu, alors, parce que Johnny Hallyday, il a été voir, je sais plus si c'était à Memphis ou, enfin, où il avait un concert, il a été voir pour le voir, mais il a pas pu le voir. Mais le seul qui l'a vu, c'est Dick Rivers. Donc, si tu Dick Rivers, il se targuait un petit peu de ça, parce que bon, avec Johnny, ils étaient copains, mais après, c'était plus tout ça. Bon, enfin, bon, on va pouvoir faire saluer les copains. Voilà. Petite anecdote. Je dis ça parce que je sais que l'IA, elle aime bien quand je dis des petites anecdotes. Alors, l'IA, je lui fais un petit coucou. Hein, voilà. Puis je la remercie aussi. Ben, je pense qu'on en parlera tout à l'heure pour la co-animation dans les années bonheur. Mm-hmm. Est-ce que j'ai bien répondu, Laura? Ben, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et du coup, on va écouter, auditeur, le petit choix de Gilou, à savoir un petit morceau d'Elvis. On en parlera juste après. À tout de suite sur Radio Game Ozo. nature's giving in. A stranger's all you'll find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, but she's woman through and through. She's a complicated lady, so color my baby a moody blue. Oh! Wednesday and to another day again. Her personality unwinds just like a ball of twine on a spool that never ends. Just when I think I know her well, her emotions reveal she's not the person that I thought I knew. But she's a complicated lady, so I call her my baby. Nous sommes de retour avec Gilou sur les ondes de RGM pour faire continuer de faire connaissance avec lui. Alors tu avais choisi cette petite chanson de Elvis, à savoir Mad Blue, qui était Maudie Blue, c'est pas grave, qui était sa dernière chanson. Et il y a un autre artiste qui a marqué ta vie, c'est Frank Michael. Oui, Frank Michael. Alors là, oui, c'est bien sûr. Alors ça touche mon côté. Bon, Frank Michael, je l'ai découvert plus tard. Je dirais début des années. Alors lui, il chantait déjà dans les années 70, mais bon, c'était un Belge, il était en Belgique. Donc, j'ai découvert beaucoup plus tard, quoi. Et oui, la chanson romantique, ben voilà, c'est moi. Les années bonheur, la chanson romantique. Alors moi, je suis assez éclectique quand même. Moi, comme je disais tout à l'heure en début d'émission, j'aime bien aussi les chansons anglo-saxonnes. Hein. Le métal, ça, j'aime pas. Le rock, oui. Style, toi, les chanteurs Led Zeppelin, ça va. Les Pink Floyd avant, enfin, c'est tous ces groupes-là, j'aimais bien, voilà. Mais bon, il faut pas que ça soit trop dur, tu vois, pas du hard rock, pas de choses comme ça, voilà. Donc oui, la chanson romantique, bah oui, ça passe toujours en premier. Donc Frank Michael, effectivement. Voilà, j'ai tout de suite accroché aussi, parce que voilà, ça me rappelait un petit peu, ben, nos années, je dirais, non, j'étais plus dans les années d'ado, là. Mais tu sais, dans la vie, quand j'ai écouté cette chanson là, peut-être qu'on écoutera tout à l'heure, on revient toujours. Et je veux dire, notre vie commence et puis bien sûr, on a des copains. Je parlerai plus des copines. Et on a toujours, alors bon, j'ai ressenti comme ça, hein, je sais pas. Après, on a toujours un premier amour, quelque chose qui nous a marqué. Alors là, c'était tout gentil. Je veux dire, on était dans nos années, oui, voilà, nos années ados et peut-être un petit peu après. Et oui, voilà, c'est quelque chose qui marque aussi, qui un premier amour, voilà. Et cette chanson-là, quand t'écoutes les paroles, ça te parle de sourire, de parfum. Et ça, j'ai pu le ressentir. T'as senti un parfum à un moment dans ta vie. Puis après, voilà, ça s'est estompé. Puis un jour, tu retrouves le sourire, tu retrouves le parfum et il y a plein de souvenirs qui te reviennent en tête. Et ça, c'est vrai. Le parfum, c'est dingue. Si tu ressens le parfum, ça te remet des souvenirs, voilà. Bon, il n'y a pas que moi, je suis mort d'autres personnes. Mais voilà, oui, cette chanson, c'est un petit peu un clin d'œil à, je dirais, mon premier petit coup de cœur, un premier amour, voilà, qui, ça te laisse toujours une petite trace. Et après, bon, des fois, ça arrive que tu retrouves la personne après de nombreuses années, mais bon, là, chacun a fait sa vie. Puis mais c'est sympa aussi, tu vois, quoi. Et voilà, c'est mon côté sentimental, nostalgique. Donc voilà, d'où cette chanson. Et puis après, bon, voilà, ce côté romantique. Et puis bon, oui, Franck Michael, alors après, j'ai écouté beaucoup d'autres chansons, mais celle-ci, oui, là, elle a une consonance particulière pour ma vie, oui. Du coup, on va se l'écouter, puis on se retrouvera juste après. Je ne citerai pas de nom. On va replonger dans les petits souvenirs de Gilou. À tout de suite sur Radio Gémozo. On revient toujours, on refait la cour aux premiers amours. Changer pourtant, on retient souvent la première chanson. Nos cœurs volages rêvent en cage de s'offrir un jour. Une balade, rien qu'un voyage, un aller-retour. Tu vis ton coin de vie comme tu peux. Aussi, tu as le droit de faire ce que tu veux. T'es parti un jour en croyant pouvoir changer ton destin. Mais souvent, les routes croisent le même chemin. On revient toujours aux habitudes, non pas par hasard. On a fait le tour et on se revoit à la case départ. Le monde tourne, le temps s'écoule en quatre saisons. S'il pleut dans ta vie, bientôt l'été sera ton horizon. On revient toujours un peu déçu. L'important c'est que tu sois revenu. Alors tout d'autre s'était perdu. N'en parlons plus. La vie, mais oui la vie, sa vie et sa mort. Un cœur, ce n'est qu'un cœur, ça chante et ça pleure. Il se laisse des fois bercer par le charme d'un rendez-vous. Il s'emballe aussi tout à coup comme un cheval fou. On revient toujours, on refait la cour aux premiers amours. Tout change et pourtant on retient souvent la première chanson. Le monde tourne, le temps s'écoule en quatre saisons. S'il pleut dans ta vie, bientôt l'été sera ton horizon. On n'oublie jamais un premier soir, le parfum d'un sourire ou d'un regard. C'est comme une mélodie qui nous vient jusqu'à la fin. On revient toujours, on refait la cour aux premiers amours. On revient toujours, tout change et pourtant on retient souvent la première chanson, la première chanson. On revient toujours aux habitudes, non pas par hasard. Alors, on vient de se replonger dans les années romantiques de Gilou. Alors, tu m'as raconté une petite anecdote. Oui, c'est vrai, oui. Hors antenne, est-ce que tu peux nous la dire, du coup? Tu veux que je te raconte ce que... Oh, on va partir, d'accord. Oui, alors, ce 45 tours-là, effectivement, voilà, donc, voilà, j'ai parlé tout à l'heure. J'aime bien ses paroles et tout. Et oui, puis donc, je suis allé le chercher. C'était un après-midi, il faisait beau. Et puis, j'ai encore pas parlé de sport, mais c'est vrai que j'aimais bien faire du sport, du vélo. Plus le foot, c'était fini déjà. Le vélo. Donc j'ai joint l'utile à l'agréable. J'ai pris mon vélo. J'habitais Saint-Nabor à l'époque et je ne trouvais que les 45 tours de Franck Michel qu'à Épinal. Parce que c'est vrai qu'il est belge. Il a beaucoup. Alors une fois qu'il a chanté sa chanson "Toutes les femmes sont belles", il a beaucoup percé en France. Mais il commençait déjà dans ces années-là. Il commençait à chanter dans les Hauts-de-France, en Belgique, tu vois, les Hauts-de-France, tout ça. Même en Alsace. Et donc, ben oui, je suis parti en vélo, je suis parti faire ma petite balade de vélo, ça faisait 2 x 25, ça faisait 50 km de vélo. Et j'ai été chercher mon petit 45 tours. Voilà, j'étais content. J'ai passé une belle après-midi. Comme quoi, à l'époque, il ne nous fallait pas grand-chose pour être heureux. Même encore aujourd'hui, des fois. Mais bien sûr, ben bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors moi, je voulais savoir, est-ce que tu as joué d'un instrument, de la guitare, etc., quand tu étais plus jeune ou même encore aujourd'hui? Très bonne question, Laura. Merci. Très bonne question. C'est bien. Alors, alors les instruments de musique, comme j'aurais aimé jouer d'un instrument de musique, c'est vrai. Alors ça, c'est, je sais plus trop quelle année, mon papa gagne un accordéon, un petit accordéon, mais pas en plastique. Ah, vrai? Ah, non, je dis ça parce qu'il gagne ça à la tombola. Tu sais, comme on avait dans les fêtes. C'est la fête de Remiremont. Je sais plus, c'est début 70 ou, ouais, je pense, parce que, ouais, à peu près. Donc, il gagne un petit accordéon. Mais un vrai, hein, voilà. Et, à ce moment-là, où j'habite, il y a un chanteur qui habite à côté, qui joue d'un instrument dans un groupe qui s'appelle le Clé de Sol des Mouches. Voilà, ça c'était un groupe qui était très très très connu dans la région à ce moment-là, il tournait partout les balles. Je fais un petit coucou à Jean-Claude Parmentier, je ne sais pas s'il écoute ou parce que voilà, c'est quelqu'un que je connais, qui faisait partie de, voilà, c'était la famille Parmentier, c'est un bon orchestre, il tournait beaucoup et même à l'extérieur des Vosges. Voilà, donc cette personne-là, bien sûr, plus âgée que moi, me dit « Écoute, Gilles, si tu veux, je te donnerai des cours. » Ah, je dis « Oui, ok. » Bon, l'accordéon, c'est pas la guitare. Mais à ce moment-là, bien sûr, il y avait le sport. Je disais tout à l'heure, je faisais du vélo, j'ai fait du foot aussi, bien sûr, quand j'étais jeune, du ski. Et puis, il y avait les copines. Ah. Donc, l'accordéon, il était un petit peu oublié. Voilà, si je réponds à ta question. Mais c'est vrai que des fois, je regrette. Bon, après, il est jamais trop tard. Il y en a qui me disaient dans mon entourage, mais écoute, par un moment, j'avais un petit coup de cœur pour le ukulélé. Toujours dans ce magasin où je vais faire mes petits achats musicaux, je ne citerai pas de nom, où des fois, je rencontre Elia. Donc, je vois ce ukulélé, je me dis, tiens, c'est sympa, tu vois comment c'est, le ukulélé, hein. Ouais, c'est une guitare. Mais c'est sympa, c'est un son un peu particulier. Puis je dis, ouais, c'est sympa, je pourrais bien faire ça. Et puis d'autres me disaient, bah, écoute, Gilles, maintenant, t'es en retraite, tu pourrais faire la guitare. Bah, je dis, ouais, ok, la guitare. Bon, bah, après, oui, c'est vrai, bon. Et après, bon, si tu veux faire, moi, j'aime faire les choses correctement, enfin, j'essaye. Donc, si tu veux jouer un petit peu de guitare, sans faire du Jimi Hendrix, ni du Jimmy Page, ni d'ailleurs Street, par exemple, des grands comme ça, non, mais faire des petits morceaux sympas. Mais bon, comme j'aime faire les choses comme il faut, et puis je dis, bon, il faudra du temps, il faudra que j'aille prendre des cours. Et ben oui, oui, pourquoi pas, mais bon, voilà, après, j'ai mes occupations à la radio. J'ai mes occupations, je pense qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure de chanteur. Et puis voilà, puis il y a la petite famille, parce que bon, on a une vie aussi en dehors de tout ça. On a la vie de famille, tout ça, voilà, les petits-enfants, tout ça. Mais voilà, oui, c'est vrai que oui, ça m'aurait plu. Ne serait-ce que jouer de la guitare, j'aurais bien aimé. Je dis ça toujours en rigolant, mais c'est vrai, sur mon deuxième EP, j'ai une photo où j'ai une guitare dessus. Mais je veux dire que c'est pour le fun. Hein. Voilà. Et la guitare, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé. Et la guitare électrique, ça te disait pas, non? Non, pas du tout. Non, ça aurait été la guitare sèche. Mmh. Ouais, la guitare sèche. Mais d'ailleurs, une guitare sèche, j'en avais acheté une. J'en avais acheté une de guitare sèche, justement. Je te parlais de la Clé de Sol des Mouches tout à l'heure. C'était donc des artistes, des chanteurs. Ils étaient, je sais plus, 10, 11, 12 sur scène. Voilà, c'était un orchestre. Mais ils avaient un magasin à Remiremont, un magasin de musique, d'instruments, de musique, de chianifi. D'ailleurs, je crois que ça doit être chez eux que j'ai dû acheter ma première chianifi, tu vois. Et j'avais acheté une guitare aussi. Là, c'était pour faire le cake aussi, avec les copains. Ça marche bien avec les filles aussi. Oui, oui. Bah, c'était dans l'attention là, mais ça m'a jamais servi, la guitare. J'ai gratté un petit peu, puis après, ça m'a saoulé. Enfin... Mais tu sais, quand t'es en période d'ado, il y a plein de choses, hein. Le sport, les sorties, cinéma, on en parlait tout à l'heure, les petits coups au bar, enfin tout ça, tu vois. Donc après, voilà, la musique toujours, oui, mais c'est vrai que l'instrument, non, bon, mais après, voilà, c'est comme ça. Là, nous allons faire une autre pause musicale. On va maintenant évoquer Gilou, l'animateur radio. On se retrouvera juste après sur le 107. Soyez les bienvenus ou re-bienvenus sur RGM. Alors après avoir évoqué Gilou, l'homme qui se cache derrière le micro, nous allons maintenant évoquer l'animateur radio. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ton choix? Pourquoi Abois? Pour... En bois. On a peut-être un peu faim là, Lia, non? Tu vois, je déconne. C'est l'habitude, Laura, on a peut-être un peu faim là. C'est pas grave, faudra laisser ça. Non, alors Abba, oui, Abba, c'est pareil, c'est un autre coup de cœur aussi, bien sûr. Voilà, l'Eurovision 1974, Waterloo, Abba, et on découvre le groupe Abba, pailleté, tout ça, des costumes, et puis alors, ouais, c'était super chouette ça. Après, puis Abba, c'est une grande carrière, quoi. Je veux dire, bon, ils ont ressorti un vinyle. Des nouvelles chansons fin 2021, si je dis pas de blague, c'est déjà 2 500 000 ventes. C'est énorme. Enfin, je veux dire, ils ont fait une promo, c'est sûr. Et ils avaient plus fait de chansons depuis 40 ans. Et ça, Abba, c'est toujours, quoi. Dans les discothèques, tout ça, Abba, voilà, quoi. C'est pareil, c'est formidable. Ce groupe-là, les deux filles, les deux gars, là, enfin, voilà, c'est des choses que je vais écouter, ça, Donc, Abba, c'est un autre coup de cœur aussi, bien sûr. Que j'écoute aussi souvent, là, dans ma discothèque. Ah oui, c'est super. Et puis, des livres aussi, c'est toujours bien, c'est coloré, c'est chouette. J'ai reçu il y a pas longtemps à la radio, par téléphone, Yann Maresco, qui est musicien et producteur, en fait, c'est lui qui a monté le groupe Abba Forever, Tribute Forever, qui tourne partout en France, en Belgique. Dans des pays européens, c'est formidable. Je les ai vus la première fois à Vittel. Tu fermes les yeux, tu te retrouves dans les années 70 avec Abba. Mais là, ils sont super sur scène. Ils sont super, les costumes, ils ont... Ben, Yann, le responsable, nous a expliqué tout ça dans l'émission. Là, je veux dire, c'est super qu'ils ont les costumes, tout ça, les chanteuses. Ils m'ont tous fait, d'ailleurs, c'était sympa, parce qu'ils m'ont tous fait un petit mot, tu vois, pour moi, puis pour la radio, quoi. J'ai eu les quatre principaux, tu vois. C'était sympa et puis voilà quoi, donc ça me faisait, quand j'étais allé voir Vittel, j'avais fait une petite photo avec les chanteuses. Oh, c'était bien. Ça, c'est mon petit côté charmeur. Ouais, bon, donc mais c'est vrai que c'était sympa et je me suis dit, il faut que je les invite dans la radio. Alors ça, il y a eu des tractations, ça a duré, mais bon, c'est vrai que ils sont souvent partis, Yann m'avait dit, le jour où on est tout proche, on vient. Alors, c'est sûr que ça m'aurait plu de... Bon, c'est pas les vrais, mais ils sont formidables. Je les aime bien aussi, comme ça, c'est vraiment... Voilà. Donc, je me suis dit, il va falloir... Et puis, finalement, l'année dernière, j'ai réussi donc à faire l'émission avec Yann. Donc là, c'était sympa. Avec le groupe Abba Forever. Voilà. Et puis, ça fait partie de mes animations. Un tube parmi toutes les années 80, parce que je veux dire, bon, quand j'ai commencé les animations, c'était les années 80. Après, oui, un petit peu 90, mais ça s'est un petit peu tassé après. Mais voilà, c'était 10 ans d'animation, mais vraiment dans les années 80. Je pense que peut-être que je ferai ça dans les futures émissions. Les grands tubes des années 80, tu vois. Alors, il y en a eu plein aussi, hein. C'était pendant 10 ans une autre partie aussi de ma passion, partagée avec un ami. Mm-hmm. Même toujours pour faire plaisir aux gens. Enfin, c'est vrai qu'on faisait déjà, tu vois, quand je suis venu à la radio, j'étais pas trop embêté au micro. Au départ, ce qui me gênait un petit peu le plus, c'était que je dise, mais tiens, qui c'est qui m'écoute? Est-ce que j'ai de l'écoute? Parce que voilà, on est tous les deux, mais voilà, on se connaît, c'est bien, c'est cool. Quand je suis avec l'IA, c'est pareil pour mes émissions, mais au tout début, c'était pas évident parce que moi, j'avais l'habitude de voir du public. Enfin, je veux dire, quand je faisais les animations, on faisait déjà un peu d'animation, en fait, on faisait danser les gens. On avait c'était des vinyles à l'époque. Après, on est venu au CD, mais au tout début, c'était les vinyles. On avait une caisse, je te dis pas, pour transporter les 33 tours, c'était lourd. Donc voilà, on a fait ça pendant 10 ans. Et puis bon, enfin, j'ai commencé à placer une ou deux petites chansons. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, après, ça a arrêté par rapport aux aléas de la vie, quoi. Mais voilà, quoi. Donc, c'est ça, en fait, le fait que quand t'es devant un micro, mais après, on a l'habitude, hein. Tu vois, là, ça se passe bien. Mais je veux dire, au début que j'ai fait la radio, je me dis, tiens, ça me faisait drôle. Moi, j'avais plus l'habitude d'être, pas toujours sur scène, mais de voir les gens bouger, danser. Et puis après, voilà, en studio pour les chansons, en fait, etc., sur les scènes. Et voilà, quoi. Mais bon, voilà, maintenant, il n'y a plus de problème. Justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir animateur radio? Alors ça, c'est suite au premier EP que j'ai enregistré. Oui, c'est là. En fait, c'était donc un ancien animateur, Mika, qui était là à ce moment-là à la radio, qui faisait une émission un peu comme toi, tu vois. Ton émission, c'est autour de vous. Mika, je ne sais plus. La tête, hein, parfois, je ne sais plus Mika ce qu'il présentait. Mais voilà, c'était un... Je faisais découvrir aussi un petit peu des choses un petit peu, pas particulières, mais peut-être qu'il sortait un petit peu de l'ordinaire. Enfin, je sais pas. Puis quand, bon, je le connaissais, Mika. C'est lui. En fait, c'est lui qui m'a invité la première fois. Pas par rapport à mon premier EP. Il m'a dit, ben tiens, Gilles, voilà, tu viendras parler un petit peu de ton aventure musicale, de ton EP, tout ça. C'est un petit peu comme ça que ça a commencé. On a fait une, deux, trois émissions ensemble. Ça, c'était 2013, je crois. Ouais, ça remonte. Après, il y a eu, ouais, 2014, j'ai travaillé avec un autre animateur. Et puis, ouais, c'est 2015, vraiment 2015-2016, où j'ai eu mon émission. Les années bonheur. Voilà. C'est comme ça que c'est venu un petit peu, si tu veux, la radio, toi. Alors, au début, un petit peu timide, hein. Comme je disais, c'est vrai que c'est pas évident. J'avais plus l'habitude de, c'est paradoxal, plus l'habitude de parler avec du monde. Je veux dire, moi, tu vois, quand j'ai fait mes scènes, là, les trois scènes, je sais pas si on en parlera. Il y a 400 personnes. Moi, j'arrive, je les vois pas. Enfin, tu les vois pas toujours. T'as les jeux de lumière qui sont là, mais tu les vois pas. Si, le premier rang. Mais toi, je pense pas à ça. Ça me dérange pas. Et il est plus difficile, je pense, il est plus difficile de chanter devant 50 personnes. Pour moi, hein, c'est ce que je ressens, plutôt que de chanter devant 400 personnes. C'est mon avis à moi. Voilà. La partie, donc, animation, voilà. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'animation radio? Bah, c'est voilà, c'est de venir dans les studios, dire bonjour aux collègues. Et puis voilà, puis bah ouais, faire cette émission, puis bah surtout les partages qu'on peut avoir nous en tant qu'animateur radio. Je veux dire, tout à l'heure je parlais de ma page Facebook. Et c'est vrai que j'ai réussi à, enfin, je suis pas tout seul, mais j'ai réussi à tisser une page, enfin, et puis des partages avec des gens que j'ai rencontrés, que j'ai reçus à la radio, en live, dans les studios, en phoneur, tout ça, c'est vraiment formidable, quoi. Il y a des beaux partages. Ça, j'adore. Moi, je suis quelqu'un de, j'aime bien, quoi, tout ça, de connaître des personnes. Alors, on peut pas avec tout le monde, hein. On n'a pas des affinités avec tout le monde. Mais voilà, c'est ça que j'aime bien aussi, ce partage. Et puis que je veux, voilà, aussi partager avec les auditeurs, les auditrices, dans ces émissions-là, quoi. Est-ce que pour toi, la curiosité, c'est une qualité essentielle en tant qu'animateur radio? Est-ce qu'il faut être curieux de tout dans ce métier? Oh. Oh. Oh, bonne question. Merci. Ben, je sais pas, je sais pas trop, là, être curieux, ben, il faut peut-être être un peu curieux. Je sais pas, je dirais, un peu curieux sur le, ben, je sais pas, je reçois un artiste, par exemple. Alors, je sais pas, je dis, bon, je vais être un petit peu curieux sur sa biographie, sur les choses qu'il fait, ce qu'il chante, pour pouvoir faire une émission, pour pouvoir faire une bonne émission, quoi. Je veux dire, voilà, qui peut intéresser, les gens qui le suivent, tous les fans, le cas échéant, qui le suivent et que ça soit constructif. Alors oui, c'est vrai qu'on est on est un petit peu curieux de voir un petit peu à qui on a affaire, de savoir un petit peu, oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que les artistes nous envoient leurs bio, etc., quoi. Oui, ouais, je pense, pas trop, enfin, ouais, un petit peu. oui, voilà, quoi, je sais pas, tu as autre chose, Laura? Oui, du coup. J'ai répondu, je sais pas, ouais. Oui, bien sûr. Du coup, on va parler de ton émission, à savoir que tu parles des hit parades. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? En fin de saison, c'est-à-dire donc l'année dernière, après les vacances, hein, début septembre, je réfléchis à mon nouveau générique, hein, c'est ce qui se passe souvent. Enfin, moi, je le fais souvent. Un nouveau générique pour la nouvelle saison, c'est vrai que bon, en force, voilà. Oui, nouveau générique, et puis je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire au mois de septembre? Je regarde un petit peu tous mes dossiers, tout ce que j'avais fait les années précédentes. Et puis voilà, bon, j'ai pas mal de livres aussi de documentation, enfin, surtout sur la musique. Et je me dis, allez, pourquoi pas un retour sur les années 70, quoi. Je l'avais fait, c'est il y a quelques années, et en arrière, j'étais avec un autre animateur. C'était son émission à lui. C'est en fait, c'est pareil, c'est comme ça un petit peu que j'ai commencé aussi. C'était son émission à lui, donc, on bossait ensemble et dans l'émission, bah voilà, je parlais déjà un petit peu du hit parade, mais ça s'est arrêté après pour différentes raisons, voilà. Et donc j'ai eu envie de voilà ce retour sur le hit parade des années 70. Alors je présente tous les jeudis. J'avais commencé en fait à faire un trimestre par émission. Ça faisait quatre émissions pour une année. Puis je trouvais que c'était trop long. Enfin, je sais pas. Après, j'essayais de voir un petit peu sur les réseaux sociaux comment ça se passait, comment ça réagissait, tu vois. Et puis finalement, après, je me suis dit bon, je vais faire année par année, quoi. Donc la semaine, pas demain. Demain, j'ai un artiste en phoneur. Mais la semaine prochaine, je pense que je vais refaire le retour sur l'année 1975. Et puis aussi, j'ai ma petite rubrique qui s'intitule "On a écouté cette semaine". Donc ça, c'est une écoute. Voilà, on a écouté cette semaine, c'est une écoute de nouveautés. Et ça peut être aussi des artistes, régionaux, locaux, ceux qui sont venus nous présenter leur nouveau single. Tu vois, il y a 15 jours, j'ai passé le nouveau titre de Mélissa, que j'ai connu il y a presque un an maintenant, qui a sorti son nouvel EP. J'ai fait un petit bisou, je pense qu'elle réécoutera. Qu'elle écoutera, qu'elle est en antenne. Voilà. Donc toi, c'est quatre chansons en début d'émission. C'est quatre chansons. On a écouté cette semaine. Ça veut dire bon, l'équipe a écouté cette semaine. Bon, voilà. Et après voilà, je lance le hit parade. Voilà, ça sera de l'année 75 jeudi prochain. Voilà. Après bon, je sais pas, je verrai. Comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas les années 80? Parce qu'il y a beaucoup, à dire aussi. Il y a beaucoup à voir aussi dans les années 80. Il y a beaucoup de tubes. Certains artistes qui ont continué, puis d'autres qui n'ont fait qu'un tube, et puis on n'en entendait plus parler. Mais voilà, c'est pas mal aussi les années 80. Voilà, c'est ma réflexion actuelle, je sais pas. On verra bien. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur Lynn, qui est ton agente artistique, c'est comme ça qu'on dit? Ah oui, alors donc, oui, bien sûr. Donc, Lynn, on travaille ensemble depuis 2016. Donc, Lynn, je l'ai connue, c'est-à-dire qu'elle est du Québec, Lynn. Elle travaillait avant avec un artiste. Et puis voilà, pour des raisons diverses qui ne me regardent pas, voilà, ça s'est terminé. Et puis donc, Aline m'a proposé gentiment de m'aider. Parce que bon, on avait fait une émission donc avec l'artiste dont Aline s'occupait. C'était sympa, ça avait été très sympa et tout, hein, ça avait été cool. Et puis voilà, si tu veux, on a gardé des contacts avec Aline. Et puis voilà, elle s'est proposée pour me dire, elle me dit, si tu veux, voilà, je veux bien travailler avec toi. Alors je dirais bon, c'est beaucoup pour la communication, tu vois. Voilà, et puis on a une page Facebook, enfin Gilles Mougel officiel, parce qu'il y a un moment j'ai eu ma page Facebook, voilà, Gilles Mougel, mais tu as tout sur la page Facebook, tu vois. Eh ben oui. Je dis souvent, je reprends toujours le truc là, mais par exemple je mettais le podcast de l'émission que j'avais présenté ou mon actualité à moi musicale. Les gens à côté de ça, ils parlent de salade, de carottes, tout ça, moi je m'en fous, quoi, tu vois. Ça faisait pas un pro, si tu veux. Bon, comme je te disais tout à l'heure, j'aurais bien aimé jouer d'un instrument, mais je voulais que ça soit carré, que ça soit, voilà, faire quelque chose. Après, j'ai dit à un moment, on en a parlé avec Lynn, j'ai dit, écoute, moi, j'aurais une page qui soit pro. Voilà. Page officielle, on a intitulé page officielle. Et qu'il n'y ait plus de trucs comme ça. Alors, c'est pas non plus, c'est une page, tout le monde peut mettre un petit commentaire, etc. Hein, c'est pas, on a des abonnés, on a, je vais avoir 400 et quelques, je crois. Voilà. Et puis alors bon, c'est là que le travail beaucoup Lynn, c'est sur les montages photos avec sa tante aussi, qui travaille un petit peu, qui est dans l'équipe, qui fait des superbes photos, des superbes montages. Bon, Lynn, elle est plus sur les textes, tu vois. Donc si tu regardes la photo que je t'ai envoyée, après tu verras. Je veux dire, voilà, c'est un travail d'équipe. Enfin, mais moi je sais pas faire ça, toi. Donc c'est vrai que ça fait une belle vitrine, si tu veux, sur la page Facebook. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, on se contacte 2-3 fois dans la semaine. On discute sur les artistes. Comme demain, c'est un artiste québécois que j'ai recevoir. Donc c'est Céline qui m'a proposé. Elle m'a dit, tiens, si tu veux, voilà. Toi, voilà, on travaille comme ça, on parle de tel artiste, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Puis voilà, quoi, ça se passe comme ça. On fait du télétravail. C'est le grand mot à la mode, hein, depuis le Covid. Et voilà, on se connaît, bien sûr, hein, forcément, mais on s'est jamais vu. Elle est loin. Ça viendra peut-être un jour, si jamais tu vas faire. On sait jamais, quoi. Si jamais tu fais un petit déplacement. Parce que la vie nous réserve, c'est cool. Ben, c'est vrai, ça serait cool de se rencontrer, c'est vrai. Mais bon, voilà, on a un peu la même façon de travailler, toi, si tu veux, on a un peu les mêmes goûts, tout ça, musicaux. Elle est très très, comment je veux dire, très très réactive, très très pro aussi. Je veux dire, moi pareil, j'aime bien que ça soit carré. Il y a des fois on s'est un peu chicané, hein. Ça, c'est leur mot au Québec. Elle va rigoler quand elle va entendre ça, mais c'est leur mot quand on... Pas quand on se fâche, mais ils se disent on chicane, ou alors on se prend un peu la tête, quoi. Non, c'est déjà arrivé, mais pas souvent. Parce que voilà, on a un peu nos idées, mais voilà, non, mais tout fonctionne bien, quoi. C'est vrai que voilà. Bah du coup, avant de poursuivre Gilou, l'animateur radio, nous allons écouter le générique que tu avais mis avant. Ah oui. À savoir Patrick Sébastien, Les années bonheur. On se retrouvera juste après sur Radio Gamozo. C'était les années guitare, les années soleil, les années chanson. Les petits bols du samedi soir, les copains d'abord, la belle saison. On chantait dans les arènes, sur toutes les places, de Nice à Bayonne. Nos chansons disaient je t'aime, et on ne faisait de tort à personne. C'était les années bonheur, les années 70, des papillons dans le cœur, la vie d'artifice. C'était les années vacances, les années 70. C'était les années de chance, la vie feu d'artifice. On n'était pas des produits, on n'était pas des paquets, des fabriqués sur mesure. On voulait passer nos vies à chanter en liberté, pourvu que ça dure. Et les nuits de balade, un jour ici, l'autre là, et tant pis pour le confort. On en a fait du chemin, entre galère et gala, c'était le plaisir d'abord. C'était les années bonheur, les années 70, des papillons dans le cœur, la vie feu d'artifice. C'était les années vacances, les années 70, c'était les années de chance, la vie feu d'artifice. Et on chantait la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. C'était au siècle dernier, les cheveux dans le vent qui venaient d'Amérique. C'était au siècle dernier, c'était les bons moments, le bonheur en musique. Et les amours de passage, et les amours d'été, les amours sans danger. Le droit d'être moins sage, parfum de liberté, parfum d'éternité. C'était les années bonheur, les années 70, des papillons dans le cœur, la vie feu d'artifice. C'était les années vacances, les années 70, c'était les années de chance, la vie feu d'artifice. C'était les années bonheur, les années 70, des papillons dans le cœur, la vie feu d'artifice. C'était les années vacances, les années 70, c'était les années de chance, la vie feu d'artifice. La la la la la la la la la la la. Alors Gilou, tu as été amené à faire de belles rencontres. Alors justement, quels artistes t'ont le plus marqué dans ton émission depuis qu'elle est là ? Ah oui, alors c'est sûr que... Alors, ce que je voulais dire aussi, ce qui est formidable, c'est tout à l'heure, j'en parlais un petit peu, je disais, il y a de beaux partages. Hein, quand tu me demandais ce qui me plaisait de faire de la radio, les émissions, c'est vrai que je dis, il y a du beau partage. Et ce qui m'a toujours aussi fait drôle, c'est vrai que bon, bah, voilà, c'est la vie comme ça. Je ne pensais pas qu'un jour je ferais de la radio. Je ne pensais pas qu'un jour, voilà. Et j'ai pu rencontrer des artistes dont j'étais fan. Je le suis encore pour certains. Et voilà, de ces années 70. Plus pour forcément de ces années 70. Parce qu'après, on a un peu plus de mal à toucher. Bon. J'aurais bien pu vous recevoir Franck Michael. Tout à l'heure, on en parlait, hein, dans ce petit coup de cœur, voir Frédéric François. Pourquoi pas, mais ça, c'est très, très difficile de les toucher de par la prod. Et voilà, mais bon, après, j'ai eu d'autres artistes. Pierre Charby, Christian Delagrange, Christian Vidal. Tiens, sur une avant-dernière émission qui a été très sympa, sur mon hit parade, tu vois, je reviens bien sûr toutes ces années. Et puis toutes ces années, on retrouve ces chanteurs-là. Et ben, ils m'ont tous, bon, c'est un petit peu à ma demande, parce que c'est vrai que je voulais avoir une émission qui était sympa, mais ils m'ont tous répondu favorablement et ils sont intervenus en direct dans l'émission. Tu vois, la dernière fois, j'étais dans l'île parade de 74, ben j'ai eu Pierre Charby au téléphone, j'ai eu Christian Vidal. La semaine d'après, j'ai eu Christian Delagrange. J'ai eu Didier Barbelivien. Bon, c'était plus difficile, hein, à contacter, etc. Mais ouais, tu vois, tous ces gens-là, enfin voilà, j'en oublie sûrement, mais c'est formidable, quoi. Je veux dire, des fois. Quand je suis dans mon bureau comme ça, puis je prépare l'émission, et puis ouais, je me dis ouais, tiens, c'est super que t'aimais bien, tu aimes bien ce chanteur, et voilà, tu l'as, t'y penses pas, quoi. Je veux dire, toi, je sais pas, toi Laura par exemple, hein, tu vas aimer je ne sais pas quel chanteur, puis un jour paf, tu vas faire ton émission autour de vous, clac, tu dis bah ouais, j'ai eu cette personne là ou un écrivain ou mm-hmm. je sais pas, tout ce qu'on peut aimer, tout ce qui nous passionne. Et quand tu te retrouves là, voilà, c'est vrai. Après, tu te dis, ouais, ça fait drôle, quand même. Jamais, tu vois, j'ai acheté les 45 tours de ces gens-là, de ces artistes-là. Et tu vois, je dis, un jour, voilà, quoi, c'est. Puis je te dis, j'en oublie sûrement. J'en oublie sûrement parce que, voilà, tu sais, depuis, ouais, 2016, hein, ça fait combien tout ça? 7 ans. Tu vois, il s'en est passé, hein. Il s'en est passé, voilà, quoi. Est-ce que tu as déjà reçu des personnes proches de chanteurs connus comme Mike Brandt, C. Jérôme, etc.? Ah oui, alors voilà, oui, alors ça c'est bien. Oui, forcément. Donc là aussi, toujours pareil, hein, des beaux partages. Alors j'ai eu l'occasion de recevoir par téléphone Yona Brandt, la nièce de Mike Brandt. C'était formidable aussi, quoi, c'est-à-dire, parce que voilà, d'avoir lui la nièce de Mike Brandt, Yona Brandt, c'est vrai que voilà, c'était une belle émission aussi qu'on a fait. Et elle avait été très sympa. J'avais reçu une belle petite carte d'ailleurs aussi à la maison. Bon, c'était voilà. Et puis ensuite, le cousin, c'est Jérôme. C'est Jérôme, c'était notre chanteur régional, hein, mon grand artiste, c'est Jérôme. De Nancy, je crois. De Nancy, ouais. Et donc son cousin, Alain Alban, que j'embrasse d'ailleurs parce que il est adorable, Alain. On a fait deux émissions ensemble. Donc il fait des concerts et il reprend les chansons de son cousin puisque c'est le cousin de C. Jérôme, donc Alain Alban. Donc voilà, il reprend les chansons de son cousin et voilà quoi. Donc voilà, c'est des gens. Après j'ai eu aussi je te parlais de Frédéric François qui sont difficiles à. J'ai eu son frère, Santo Baracato, qui est venu de Belgique aussi. Son frère avec qui il a travaillé, où il a fait pas mal de tubes avec son frère, hein. Je t'aime à l'italienne, je sais plus, enfin, bon, ils ont travaillé ensemble, puis après, bon. Voilà, quoi. Donc, ouais, c'était sympa aussi. Voilà. J'ai pas pris mon planning. Mais c'est vrai que j'en ai pas mal, oui, c'est sûr. Voilà, j'en oublie sûrement, mais. Ouais, ça fait vraiment de belles émissions, ouais, bon, Christian Vidal, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, qui nous a appelé. C'est vrai qu'avec Christian, on avait fait une émission, mais alors, voilà, super, super sympa. Lui, il était venu de Belgique aussi. Voilà, tu vois, c'est des bons souvenirs. Ça m'a marqué aussi. Enfin, c'est des bons souvenirs. Alors, c'est avec tout le monde, hein. Ils sont tous sympas. Pas toujours tous. Mais là, ça a été un bon souvenir, quoi. Ça, franchement, on avait passé une heure et demie, ici, en live, dans les studios. C'était sympa. On a rigolé. On a passé des chansons. C'était super. Super, super, quoi. Voilà. D'autres. Tu présentes ton émission en direct tous les jeudis, donc qui dit direct dit aléa du direct. Est-ce que tu aurais quelques anecdotes à nous raconter là-dessus? Oui, j'en ai peut-être quelques-unes. Oui, c'est vrai, donc oui, en direct, oui, tout à fait, forcément. Donc voilà, on se prépare et tout. Bon, qu'est-ce que je pouvais dire? Oui, j'avais contacté par une amie animatrice, Michel Pruvot, un accordéoniste. Bon, très sympa, hein. Mais le jeudi où je devais faire cette émission-là, personne. Il était pas là. Ah mince. Pourtant, on avait conversé sur Messenger, et même par téléphone, je crois. Et ben, il était pas là. Il était dans un autre studio radio. Ah mince. Je citerai pas le nom non plus. Puis j'étais là, je présentais, enfin, Ilia était en face de moi, et ben et voilà, on a passé deux chansons, je me suis dit, on va peut-être le choper, tu vois, peut-être, mais paf, planté. Donc voilà, après, bon, je me suis remis en contact avec, bon, ça n'a pas terminé en pugilat, comme on dit. <C'était>... Mais la semaine suivante, bon, il était là, mais il était dans une foire. Enfin, un grand truc dans le Nord. Et donc, on était en interview par téléphone. Mais bon, tu vois, il me poussait un petit peu aux fesses, pour être poli. Alors, il me disait, qu'est-ce que tu veux mettre comme chanson, Gilles, maintenant? Ben, j'ai dit, je vais mettre celle-là. Je dis, oui, mais on va peut-être un petit peu parler un peu sur ta bio, parler un petit peu de ta vie. Oui, ben, vas-y, passe la chanson. Bon. ça restait assez rigolo, voilà. Alors, dans la première émission, quand il nous a planté, en fait, avec l'IA, on a improvisé. On a choisi des chansons, et puis alors, quelques fous rires. Tu sais, j'ai écouté dernièrement le bêtisier, c'était sympa. Voilà, des petites casseroles, tu vois. C'était cool. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, bon, je crois que j'en avais déjà parlé. Madame Sophie Tapie. Ah oui, ouais, ça m'a marqué. Ouais, ça, Madame Sophie Tapie. Donc, elle avait fait un album très sympa. C'était un peu country, tout. Mm-hmm. Je contacte, je me dis, tiens, c'est sympa. Voilà, elle me dit oui, pourquoi pas. Enfin, c'est pas elle que j'avais vue tout de suite. Je crois qu'elle me dit oui, pourquoi pas, on peut le faire, tout ça. Donc, premier jeudi, paf. Premier jeudi, on reçoit un coup de téléphone. Il y a une personne de sa prod qui a un accident. Bon, ça arrive, hein. Donc pareil, j'avais rien préparé du tout. Pour moi, c'était bon, quoi. J'avais préparé l'émission, j'avais rien préparé d'autre. Donc après, on a improvisé avec Geoffrey qui était là à l'époque, avec qui je bossais à l'époque, Geoffrey. Et puis voilà, on a improvisé sur des livres, machin, enfin, etc. Des fois, il faut savoir rebondir. C'est pas toujours évident, mais voilà, on a rebondi. Je reprends compte, enfin, elle me retéléphone, elle me dit, je suis désolé, je dis oui, d'accord. Ça s'est passé dans les studios, enfin, par téléphone. Elle me dit, si vous voulez, alors je dis, moi, je propose, si vous voulez, on fait jeudi prochain. Elle me dit, oui, ok, on vous recontacte lundi par mail, machin, etc. Donc, le lundi, il me recontacte, tout ça, je retéléphone parce que, j'ai dit, bon, c'est bon, on va faire l'émission. Elle me dit, oui, mais c'est nous qui vous appelons. D'habitude, en général, après, ça peut être cool, hein, mais en général, c'est souvent moi qui appelle les artistes 5 minutes avant, faire des fois un peu connaissance, pour ceux qu'on se connaît, voilà, on s'appelle 5 minutes avant, et puis après, hop, on passe au direct. Et là, je reviens donc le jeudi avec mes petits sabots, et ma petite chemise, ma préparation, paf, personne. D'accord. Mais là, c'était vraiment le planté de chez planté, quoi. Voilà, donc Madame Sophie Tapie. Alors, quand je suis rentré à la maison, j'étais un peu en boule. J'ai mis un message parce que j'avais sur Messenger. Bon, elle m'a pas répondu. Je savais qu'elle me répondrait pas, mais pour me défouler en rentrant, je lui dis, Madame, où est le respect pour les auditeurs, pour les animateurs, pour le public? J'ai dit, si notre radio était peut-être pas à votre convenance, il fallait le dire tout de suite. Ben, on fait pas ça. J'ai dit, où est le respect? J'ai jamais eu de nouvelles, hein. Mais il fallait que je le sorte. Il fallait que je le dise. C'était fait. Tu t'es senti mieux après. Ah oui, ça. Oui, bien sûr. Bah oui. Non, mais écoute, où est le respect, quoi? Je veux dire, c'est ça. C'est sûr, quoi. Attends, on fait pas ça, quoi. Ou alors on dit non, ça m'intéresse pas. J'ai contacté une fois la prod de Daniel Guichard. J'aime bien Daniel Guichard aussi. La dame toute sympa, toute gentille. Ça a duré une semaine. À la fin de la semaine, elle me dit non, il viendra pas. Bon, là, c'est tout. Elle avait été sympa, elle l'a contacté, elle me dit, écoutez, oui, c'est possible, etc. Après, bon, il ne souhaite pas. Bon, c'est tout, j'ai laissé tomber. Ça s'est resté là, tu vois. Mais, voilà, au moins tu te dis, mais tu fais pas un coup comme ça, quoi. Mmh. Alors, le premier coup, oui, il y a l'accident, je veux bien, ça, il n'y a pas de problème. Après, bon, voilà. Bah, après avoir parlé de l'homme, de l'animateur radio, nous allons parler maintenant de Gilou, le chanteur. Donc, on va découvrir en exclusivité, puisque je crois que c'est encore jamais passé sur nos ondes, ton titre, à savoir Regarde-moi dans les yeux. Ah oui, oui. Oui, donc, voilà, comme je parlais durant toute cette émission, quoi. Je veux dire, voilà, c'est bon, la chanson romantique est. Bon, le chant m'est venu que bien plus tard. C'est dommage. Non, mais voilà. Alors, je veux dire, je fais ça, c'est parce que c'est toujours la passion, la musique, la chanson. Et puis, je suis curieux de tout. C'est vrai qu'il y a un moment, il y a eu un déclic. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'enregistre un EP. Voilà, un EP. C'est 2 chansons. Ça peut être 3, ça peut être 4. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai fait ça, en fait, en Belgique. J'ai fait ça en Belgique. D'ailleurs, les 2 EP que j'ai fait, je les ai fait en Belgique. Mais voilà, c'était déjà aussi de voir comment ça se passait d'être dans une cabine d'enregistrement. Et puis voilà, bon, faire un petit EP, c'est un projet. Voilà, je l'ai fait. J'étais content. Après, bon, voilà, c'est la passion. C'est la passion d'avoir fait ça. Et puis après, ben, c'est vrai qu'il s'en est suivi, bon, plus tard. Ça, les EP, c'était 2013 et après 2016. Il y a eu 2 clips qui s'en sont suivis. Parce que tu sais, quand tu rentres un petit peu là-dedans, c'est vrai que moi, le premier que j'ai dit, je vais faire ça, puis point, j'arrête là, c'est fini. J'ai fait mon petit projet, je suis content, j'ai une petite chanson. Bah, ça s'arrête là, quoi. Puis après, bah, oui, c'est un peu, comme on disait tout à l'heure, on veut mettre un visage sur l'animateur, l'animatrice. Et en fait, bon, là, ça passait dans quelques radios en Belgique, dans le Nord, en Alsace, enfin. Mais voilà, après, oui, il y a eu le clip. Il y a eu le clip. Tiens, pourquoi tu fais pas le clip ? On voudrait bien voir, quoi, c'est vrai. Quoi. Ou alors, on veut voir la tête. Voilà, quoi. Donc, voilà, après, il y a eu deux clips qui s'en sont suivis, tu vois. Et c'est vrai, quand tu mets un petit peu le pied dedans, tu prends goût. Tu prends goût, tu dis, bah ouais, voilà, j'ai fait le premier, tu dis, bah tiens, le clip après. Ah bah tiens, je vais refaire deux chansons. Oui, c'est pas mal, tu vois, puis tu refais un clip, puis voilà, tu prends un petit peu le goût, tout ça, puis. Et puis voilà, puis bon, après là, tu me parlais aussi de la chanson, donc, enfin oui, oh, oui, donc voilà, ça c'est, voilà, c'est venu, j'ai eu l'occasion de faire des petites, pas beaucoup non plus, mais des petites scènes, avec des artistes que j'ai reçus ici, tu vois, il y a toujours un petit lien, tu vois, on sympathise, on devient amis, ils savent que je chante un petit peu, ils disent, bah tiens Gilles, tu peux venir faire tes deux petites chansons si tu veux, sur, voilà, ça m'est arrivé deux, trois fois. C'était des, enfin, je dis des petites scènes, c'est pas péjoratif, mais voilà, pour moi, bon, j'ai fait deux petites chansons en première partie, puis voilà. Et, mais après, vraiment, là c'est vraiment les temps derniers, enfin, l'année dernière, où tu avais déjà eu le plaisir de m'inviter, donc avant la première vraie grande scène pour moi, c'était Passion Show, quoi. C'était vraiment, c'était... formidable, c'est vraiment la première, tu vois, c'était très pro. On est arrivé là, tout était organisé, on avait des loges, on avait des, franchement, tu vois, c'était cool, quoi. Puis en même temps, une certaine pression quand même, hein, parce que bon, on savait qu'il y allait avoir 400 personnes. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que 400 personnes, ça moi j'ai fait des animations avant, il y avait des fois 300-400 personnes comme ça dans des grands trucs, c'était voilà. Mais ça me gênait pas plus que ça, mais quand même, je me dis, c'est ma première scène, j'avais une, je me dis, faut pas que je me plante dans les paroles. Après, Passion Show, on les connaît, moi ça fait 5 ans que je les connais, ça fait plusieurs fois qu'ils me disaient, alors Gilou, quand est-ce que tu viens sur le Tremblant? Mais je suis trop vieux, je vais plus faire ça. Puis à la toute dernière émission, je me souviens, comment Virginie qui était venue, elle était venue faire la promo, donc elle avait fait l'émission avec Lia, puis j'étais présent aussi, je crois que Lia m'avait demandé de venir, ou donc j'avais fait un petit peu l'émission avec eux. Elle me dit, alors Gilou, quand est-ce que tu viens? Bah, je dis, allez, cette année, je m'inscris. Je me suis inscrit, j'ai tout envoyé, tac, tac, tac, j'ai tout envoyé. Je me suis inscrit, puis après, je dis, oula, bon. Non, mais voilà, après, c'était super, quoi. Je veux dire, mais c'est vrai que je voulais pas décevoir, c'est la soirée là, elle était couverte par Radio Gamozo, Lia qui était là, Chris, qui était là aussi. Lia était jurée et Chris était spectateur, mais aussi, bon, il a couvert aussi l'émission, enfin la soirée. Donc j'avais oui, voilà, le spectateur, la famille qui était là, Gamozo qui était là, plus les amis de Passion Show, quoi. J'ai pas le droit de me tromper, j'ai pas le droit de me planter. Non, mais voilà, c'est un super souvenir, quoi, super. Voilà, après, je sais pas si je reparle des autres, mais il y en a eu trois autres qui sont suivis, ça, c'était cool, quoi. Après, on était sur Foix de Conche, en Haute-Saône. C'était cool. La dernière, c'était le 28 janvier à Raon-l'Étape. Là, c'est pareil, magnifique salle. Magnifique salle, des gens sympas. La jeunesse, c'est l'office, la jeunesse de Raon-l'Étape. Donc, pareil, c'est super cool, toi, c'est un plaisir, quoi, monter sur scène. Puis là c'est quand j'ai fait un rond l'étape, je vais toujours en studio Épinal, dans les studios de la Souris Verte, pour répéter un petit peu. Et puis j'ai ma petite fille m'avait accompagné, Sarah, et elle chante un petit peu avec moi sur le refrain. Puis je reviens à la maison, puis je dis, tiens, ça serait cool que Sarah elle m'accompagne sur le refrain. Donc on a fait la scène avec ma petite fille Sarah, voilà, elle m'accompagnait sur scène pour faire le refrain. C'était très très chouette et beaucoup d'émotions, et voilà, quoi. Et puis il faut que je dise quand même ça, parce que ça me tenait à cœur, mais ça en plus, mais j'ai postulé pour le trophée Rémi Raymond à Remiremont, qui va avoir lieu le 1er avril, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est organisé par Danse Moderne Academy, que tout le monde connaît. Et ben, j'ai pas été sélectionné. Bah mince alors. Je dis ça comme ça parce que, tu sais, nul n'est prophète en son pays ni en sa ville. Non, ça veut dire que j'ai été un peu déçu parce que je dis, mince, à Remiremont, c'est une belle salle. C'est la salle Gilbert Zog, la salle socio-culturelle. Je dis, c'est à Remiremont, c'est ma ville. Je connais la salle, j'y suis allé plusieurs fois pour d'autres choses, hein, pas. Voilà. Et je dis, tiens, ça m'aurait plu de refaire cette chanson-là, là. Mais bon, c'est comme ça. Il y aura d'autres choses et d'autres projets. Voilà ce que je peux dire, en fait, ouais, sur le chant. Voilà, mais alors, c'est la passion, quoi. La passion de monter sur scène, c'est grisant. C'est vrai que c'est grisant et c'est chouette, quoi. Je veux dire, voilà, c'est une, C'est encore des beaux partages. D'ailleurs, c'est là à Mirecourt que j'ai pu connaître Mélissa, Fabrice. On est des potes maintenant, tu vois. On est des potes, c'est formidable le partage comme ça, parce que tu fais pas ta chanson puis après tout le monde est dans son coin. Non, on est dans les loges, on partage, on échange, on parle de nos passions et après voilà, on devient des potes quoi, c'est super. Voilà, tout ça c'est beau, tu vois, c'est beau. C'est pas pour faire le cake, voilà. C'est se faire plaisir sur une scène, chanter et puis voilà quoi, c'est voilà pour le chanteur. Bah du coup, on va écouter ton titre, à savoir Regarde-moi dans les yeux, puis on en reparlera juste après. OK, d'accord, ça marche, ouais. À tout de suite sur RGM. Tu as mis une fleur dans tes cheveux, maquillé le contour de tes yeux. Tu t'es faite belle pour notre rendez-vous. Tu es celle que moi j'aime, je l'avoue. Regarde-moi dans les yeux quand tu me dis ô combien tu m'aimes. Regarde-moi dans les yeux quand tu me dis je ne peux vivre sans toi. Regarde-moi dans les yeux quand tu me dis je veux vivre la bohème. On va s'aimer tous les deux pour l'éternité. Je t'emmènerai danser ce soir pour écrire une suite à notre histoire. Une valse lente ou un boléro. Dans mes bras, tu seras mon joyau. Regarde-moi dans les yeux quand tu me dis ô combien tu m'aimes. Regarde-moi dans les yeux quand tu me dis je ne peux vivre sans toi. Regarde-moi dans les yeux quand tu me dis je veux vivre la bohème. On va s'aimer tous les deux pour l'éternité. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Regarde-moi dans les yeux quand tu me dis ô combien tu m'aimes. Regarde-moi dans les yeux quand tu me dis je ne peux vivre sans toi. Regarde-moi dans les yeux quand tu me dis je veux vivre la bohème. On va s'aimer tous les deux pour l'éternité. On va s'aimer les deux pour l'éternité. On va s'aimer tous les deux pour l'éternité. Du coup, Gilou, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur cette chanson, par exemple sur l'auteur et le compositeur, qui c'est qui s'est occupé de ça? Oui, bien sûr. Alors là, c'est encore, je dirais, une belle rencontre avec un auteur que je connais bien, que je vais citer, qui s'appelle Thierry Brenner. J'ai eu l'occasion de faire une émission avec Thierry pour qu'il nous parle justement de son métier d'auteur. Et le compositeur, c'est Michel Peters. Alors, ils étaient tous les deux à ce moment-là. Enfin, ils sont tous les deux d'Alsace, mais ils ont changé de région. Parce que je repense à l'Alsace. Et voilà quoi. Donc, ça s'est fait comme ça, tu vois. Encore un beau partage et une belle collaboration. Voilà, sur ces deux chansons, de, donc je vais y arriver. Cet EP de 2016, en fait, voilà. Alors bon, il y a encore des... Il y a des chansons dans les tiroirs, enfin on dit comme ça, mais bon. C'est vrai qu'après, bah, tu vois, toujours ces beaux partages-là, tu vois, voilà, des artistes que j'ai reçus très sympas, qui m'ont dit, bah tiens, Gilou, on sait que tu chantes un petit peu, je te fais une chanson. Yes, c'est super. Après, ben, après j'ai dû arrêter un petit peu parce que c'est un coup tout ça, c'est un coup quoi. Alors je dis pas non, hein, j'aimerais bien en refaire un. Hein. C'est vrai, comme je t'avais dit tout à l'heure, le premier, c'était, j'avais fait le premier. Bon, pour moi, c'était fini. J'avais fait mon petit projet, j'étais content, je suis reparti avec mon CD. Mais il y a du travail derrière tout ça. Je dis pour ça, voilà, ça coûte parce que il y a t'as l'enregistrement, t'as le mastering, après tu fais la pochette, tu travailles avec un infographiste. Tu vois, ça coûte. Donc voilà, faut. Donc oui, j'aimerais bien refaire. Alors je ferme pas la porte, je dis pas non, mais bon, on verra plus tard. Avant de clôturer cette émission, tu avais prévu une petite chanson, à savoir pour ta petite fille, je crois. Voilà, c'est pour Sarah. Là, donc j'en parlais tout à l'heure. Alors donc c'est la plus grande de mes petites filles, et j'en parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que on a eu le plaisir de chanter tous les deux. Donc c'était donc à Raon-l'Étape. Dans On a tous du talent, la saison 8. Et j'ai demandé à Sarah qu'elle m'accompagne parce que elle m'avait accompagné elle-même en studio quand je faisais mes répètes, sur la chanson de Joe Dassin, Les Champs-Élysées, voilà, qui est une chanson connue. Et j'ai trouvé qu'elle avait, sur le refrain, et même, on a chanté tous les deux cette chanson-là. Puis quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, tiens, ça serait bien que Sarah, elle m'accompagne. Et je m'étais dit, ça fera un beau partage, tu vois. Encore une fois, là, je parle de partage et puis, dans la soirée, avant qu'on passe sur scène, on a eu une petite, d'ailleurs, dans l'organisation de Raon-l'Étape, là, on a tous du talent. Une fois qu'on avait fini les répètes, on avait une petite partie interview. C'est-à-dire, cette partie interview, ça servait pour nous présenter le soir sur la scène. Et donc, en fait, oui, il y a eu ce beau partage entre le papy et sa petite fille, quoi. Tu vois, ça a été annoncé comme ça et je trouvais que c'était sympa. Et voilà, je l'ai fait parce que voilà, c'était un beau moment d'émotion avec ma petite fille. Et ça va rester un beau souvenir, voilà, pour la famille, pour les amis. Et voilà, oui, donc je tenais à lui faire une petite dédicace pour, je pense, clôturer cette émission. Et bon, oui, j'ai choisi une chanson de Frédéric François. Alors, Frédéric François, c'est un autre chanteur que j'aime bien aussi, chanteur romantique aussi, voilà. Et là, il chante Petite Sarah. Alors, bon, dans ces paroles-là, c'est la famille qui adopte une petite Sarah. J'aime bien, c'est une belle chanson. C'est Sarah, ça parle d'une Sarah. Bon, c'est pas tout à fait la vie moi, c'est ma petite fille, là. C'est une petite fille qu'ils adoptent, mais c'est la chanson que j'ai trouvée, que j'aime bien, Petite Sarah, qui est très jolie, et voilà. Que j'ai trouvée pour faire un petit coucou aussi à ma petite fille. Voilà, puis, voilà, pour lui faire des bisous aussi. Donc, à Sarah, et voilà, je pense que c'était bien. J'étais très content de ce que j'ai fait, là. Enfin, on a été très content de ce qu'on a fait. Ce beau partage avec ma petite fille. Du coup, on va écouter cette petite dédicace donc de Frédéric François, Petite Sarah, puis on se retrouvera juste après. Tu seras notre fille, ma petite Sarah. Nous serons ta famille, chez nous tu grandiras. J'ai rangé ta valise, tu es chez nous, chez toi. On t'aimera, tu verras. Petite Sarah, sois la bienvenue sous notre toit. Sarah, on est bien ensemble, c'est bon de t'entendre rire aux éclats. Petite Sarah, un ange de plus entre nos bras. Plus belle, petite Sarah. Nos enfants te protègent comme leur petite sœur. Ça fait longtemps qu'il rêve d'un aussi grand bonheur. Un sourire à tes lèvres nous réchauffe le cœur comme un soleil en douceur. Petite Sarah, Sarah, sois la bienvenue sous notre toit. Sarah, on est bien ensemble, c'est bon de t'entendre rire aux éclats. Petite Sarah, Sarah, un ange de plus entre nos bras. Petite Sarah, Sarah, Sarah. Petite Sarah, Sarah, un ange de plus entre nos bras. Sarah, que ta vie nouvelle toujours soit plus belle. Nous sommes de retour avec Gilou sur vos ondes. Alors avant de clôturer cette émission, est-ce que tu as des futurs projets, Gilou ? Ah, très bonne question. Merci. qu'est-ce que je pourrais dire comme projet ? Oui, bon, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai que... je suis pas fermé. C'est vrai que faire un petit EP encore, ça serait sympa. Ça, c'est en réflexion aussi. Après, les projets, il y a d'autres projets de scène. Voilà, je parlais tout à l'heure du Grand Show, de Mircourt, de Rend l'étape, de la voix française à Froidconche, en Haute-Saône. Alors, il y a d'autres projets, il y a d'autres scènes à venir. On va retourner au mois d'avril à Rend l'étape. J'en dirai un petit peu plus sur les réseaux sociaux, mais normalement ça va se faire, il y a pas de problème. Oui, puis il y a d'autres projets. C'est vrai que voilà, et puis bon, je vais continuer mon émission, bien sûr. Oui, pour l'instant, je pense que c'est comme ça, c'est pas mal. Et c'est vrai, quand tu fais de la scène, en fait, après, des fois, moi, j'ai un petit peu du mal à retomber sur terre. Je suis dans ma petite bulle. Non, mais c'est cool. Non, mais voilà, j'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que c'est... Et comme je disais, bon, tu fais un CD, tu fais une chanson, t'es dedans, t'as envie de... Voilà, une fois que t'as les pieds dedans, c'est vrai que ça donne envie de continuer. C'est pareil pour la scène, donc... Et ben voilà, ça s'est enchaîné, ça sur un an, j'en ai fait trois. Il y en a d'autres prévus, et c'est vrai que c'est pareil. T'as envie de continuer comme ça, quoi. C'est cool, c'est super. Je suis toujours dans mon domaine, autant à la radio que dans la chanson. Donc je suis content, je suis dans ma passion, voilà, puis il y a d'autres belles choses, hein. Je veux dire, voilà, je parlais de ma petite fille tout à l'heure, il y a des balades avec la famille, voilà, des sorties, tout ça, plein de choses, hein. Bon, je dirais, il y a autre chose, hein, aussi, c'est une grande passion, mais après, il y a aussi autre chose à côté, hein. Les balades, des belles balades à faire, tout ça, des... Voilà, c'est ce que je pourrais dire, pour l'instant, c'est les projets, quoi, voilà, c'est bien. C'est cool. Ça nous tient en forme. La musique, je dis toujours, c'est une bonne thérapie. C'est vrai. C'est vrai, le jour où t'es pas trop bien, ou des fois ça. Et ça, c'est une bonne thérapie. T'écoutes un petit peu, voilà, t'écoutes une chanson, deux chansons, puis après ça va mieux, voilà. On peut pas tout régler par la musique, mais ça fait pas de mal quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point. C'est vrai, ouais. Ouais. Bah, du coup, cette émission est maintenant terminée. Hein, Gilou, ça a été un plaisir de dresser ton portrait de ce mois-ci. Eh ben, c'est moi qui te remercie, Laura, pour ton accueil, et voilà, pour pour participer à ton émission. Et bon, j'ai trouvé ça très, tu as bien construit mon parcours. Merci. Non, c'est chouette. Non, mais c'est toujours un plaisir. Et voilà, j'espère que j'ennuierai pas trop les auditeurs, les auditrices. Voilà, ils connaîtront un petit peu mieux Gilou, l'animateur, et puis voilà, un petit peu le chanteur. Non, mais franchement, c'était vraiment un plaisir d'être là avec toi. Pour cette émission, parfois je profite à faire un petit bye bye à tous les auditeurs, les auditrices, hein, en espérant voilà que pour eux c'était là. Voilà, c'était une bonne écoute. Et puis avec les quelques chansons que je vous ai partagées, qu'on a partagées, voilà ce que je peux dire. En tout cas, merci Laura, c'était sympa. On te retrouve tous les jeudis à 16h en direct avec l'IA sur nos ondes. Oui, voilà, c'est ça, oui. Avec l'IA, donc les années bonheur, hein, voilà. Donc, je refais un coucou à l'IA, je lui fais un bisou, elle est en repos aujourd'hui. Et puis bon, voilà, puis pour la remercier aussi, l'IA, de la co-animation aussi. Et puis aussi, je dirais, de sa bienveillance envers moi. Ça, j'apprécie aussi. Et puis nos fous rires, bien sûr. C'est une qualité de l'IA, c'est la bienveillance. Oui. Et puis nos fous rires aussi. Et puis voilà, puis je fais coucou à toute l'équipe. Hein. Bien sûr, toi Laura, il y a Chris qui est là. Marjo qui est là aussi. Voilà, je fais coucou à toute l'équipe. Et ça a été vraiment un plaisir de faire tout ça. Plaisir partagé. Très bien. À bientôt. Mais moi, il faudra que je t'invite aussi. Tu as déjà participé un petit peu dans mes émissions Hit-Parade, mais il faudra une fois que tu viennes aussi dans l'émission un petit peu plus présente. Enfin, je veux dire présente, c'est vrai que des fois, quand j'arrive, toi, tu t'en vas. Donc, c'est difficile. Donc, c'est difficile, mais voilà, pourquoi pas. Hein. Mm-hmm. Bien sûr, tu es la bienvenue aussi dans les années bonheur. Ben merci, j'ai beaucoup aimé l'émission sur Johnny Hallyday. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est un hommage qu'on avait fait à Johnny pour sa disparition, quoi. Ouais. Mm-hmm. Bien sûr. Mais je sais que tu serais une bonne co-animatrice aussi, parce que je sais que tu connais pas mal de choses sur différents artistes, tout ça. Hein, je sais que voilà, donc il y aura pas de problème. Bah, disons que je suis comme toi, moi j'ai été baignée dans la musique, donc comme toi, c'est un exutoire aussi, j'ai besoin d'en écouter. Exactement, ça me déstresse, tout ça, donc oui. Mm-hmm. Ah oui, c'est comme tu dis, c'est un exutoire. C'est vrai que ça fait du bien, et voilà. Quoi. Je pourrais pas vivre. Je pourrais pas sans la musique, quoi. Je pourrais me passer de cinéma, tu vois, de choses comme ça, de films. Bon, moi, voilà, mais la musique, non. Là, je pourrais pas. Ça, c'est non. C'est comme ça. Ah, mais ça tient en forme. C'est ça vrai. Ça tient en forme. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde!